Indestar présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujet, débat, jeu et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Oui, vous le savez, c'est minimum 23h comme tous les lundis et vendredis soirs. Bienvenue tout le monde sur Indestar.fr et puis sur tous les réseaux, les applications d'écoute en ligne et de podcast aussi, parce que cette émission sera rediffusée en podcast quand vous le voulez sur une vingtaine de plateformes. Par exemple, toi, Teddy, tu écoutes l'émission en podcast. Alors, oui, sur Indestar.fr, moi je l'écoute. Ouais. Mais sur une série de plateformes, tu peux, je sais pas, Spotify, Deezer. Par exemple. Ah non, j'en ai que deux. Hein. Ah. J'en ai que deux. Je croyais que t'allais me citer les 20, mais à remarque, ça m'arrange. Ouais. Bon, on n'est pas tout seul dans cette émission à la maison parce que Daniel est aussi avec nous. Salut Daniel. Salut les amis, je suis là, bien content. Bien content de te recevoir aussi, comme toutes les émissions quasiment. En plus, maintenant, je suis content parce que t'arrives quasiment à 21h. C'est un truc de dingue. C'est une avancée. C'est un truc de dingue. Tu vois, je te l'ai toujours dit, les miracles, ça existe, tu ne crois pas. Il est matinal maintenant, Daniel, c'est presque ça. Non, mais en vérité, je mets mon réveil, sinon je rate le début. Bah oui, évidemment. Dans l'équipe Indestar à la maison, il y a aussi Laura qu'on entend très bien parce qu'elle a la fibre. Salut Laura. Et oui, j'ai la fibre. Habiter en centre-ville, c'est super. Ouais, alors ça dépend des centres-villes, mais ok. Audrey, comment vas-tu? Oh bah ça va bien, écoute. Ouais, toi t'as pas la fibre, ça s'entend, mais on t'aime bien aussi. Mais si, mais arrête, j'ai la fibre à la maison en plus. Ouais, genre t'as la fibre. Elle habite pas en centre-ville. J'habite pas, j'habite à Tournan et j'ai la fibre. Arrête, d'accord. Sois pas jaloux dans ta campagne perdue là. Eh bah figure-toi que dans ma campagne perdue, je trouve qu'on m'entend particulièrement bien, surtout ce soir, mais même d'habitude, moi j'ai une ADSL à donf. Voilà, je le signale. Et Amanda Bourneuf, qui est notre invitée ce soir, est-ce que tu as la fibre chez toi? Non, je pense pas. Hein. Pas la fibre, ah bah, tu vois. Alors que. T'habites en campagne alors? Non, Amanda, t'es en banlieue parisienne. Ouais. Et voilà. Ouais. Tu vois. C'est au centre-ville de Paris, ça se voit. La suprématie de la campagne. N'importe quoi. On est qu'est-ce en avance technologiquement, c'est fou. Hein. Bon, au studio d'Indestar, on n'a pas la fibre, mais ça marche très très bien. Ce soir, donc, émission, vous l'avez compris, consacrée à Amandine Bourneuf, qui est artiste. Composé, c'est Amanda. C'est Amanda, tu commences mal. Qu'est-ce que j'ai dit? Théo, t'as dit Amandine. J'ai dit Amandine. Oui. Oh, et voilà. Non-respect de l'invité, non, mais, ça va. Ça, c'est parce que juste avant l'émission. Juste avant l'émission, on a parlé de bouffe et j'ai dû lui parler de tarte Amandine au poire et là, il a fait le lien. Du coup, il est mauvais. Arrête hein. De le défendre. Mais, arrête de le défendre, il est juste naze. Mais c'est surtout qu'il m'a donné faim, Teddy, avec son Amandine au poire. Là. Il a pas arrêté de me parler de boulangerie avant le début de l'émission. Donc forcément. Est-ce que ça serait pas son métier par hasard? Incroyable. Bah il paraît, mais ça on est au courant hein, en même temps. Alors Amanda, effectivement son métier, enfin ton métier, Amanda, bon, c'est pas boulanger. C'est déjà d'étudier parce que t'es au lycée. Mais en plus de ça, tu fais de la musique et t'aimerais bien en faire ton métier. Exactement. Voilà, donc évidemment, ce soir, on va parler de tous tes projets et projets qui sont déjà très concrets, hein, parce que il y a des choses, peut-être qu'il y a des choses dans les tuyaux, mais il y a des choses qui sont déjà écoutables en ligne sur toutes les plateformes. Donc, on va parler de ton album, on va parler de tes premiers projets et puis de tout ce que tu aimes, parce que ça va être le thème de la soirée. Donc, avec le quiz, bien entendu, en fin d'émission, vous allez tous pouvoir participer. Le thème, c'est toi. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit le thème, c'est toi. Le thème, bah, le thème c'est Amanda, oui, ouais, exactement. C'était trop mignon cette manière de dire le thème. C'est toi. Toi. Ah, voilà. J'essaie d'être discret, mais tu es le thème de la soirée effectivement, Amanda, avec toute la pop culture parce que vous le savez, hein, ceux qui écoutent régulièrement cette émission, le vendredi on parle de pop culture, donc musique, cinéma, jeux vidéo, manga, enfin voilà tout ce qui peut nous intéresser dans l'univers de la pop culture. Et donc là aujourd'hui pop culture d'Amanda Bourneuf. Comment s'est passé votre week-end, les amis? Je vais commencer par Amanda. Comment ça va? Bien passé, génial. Bon. C'est les vacances pour toi en région parisienne? Exactement, oui. Ah. Voilà, on profite un peu de sortir, même en temps de Covid, malheureusement. Bah ouais, c'est-à-dire voilà, que. Des petites balades. Sortir, prendre le soleil, t'as tout à fait raison, ouais, ouais. Il fait beau en plus en ce moment, donc on a l'impression. Ouais, je sais pas comment c'est sur Paris, mais genre en Touraine, c'est passé de neige il y a deux semaines à quasiment pré-été cette semaine, quoi. C'est assez fou. Bah, c'est pas vrai. C'est fou. Il y a plus de saison, comme dirait ma grand-mère. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu cette expression, n'est-ce pas? Bon, Audrey, t'as fait quoi ce week-end? Ah, moi j'ai découvert un podcast qui s'appelle C'est la moto de qui déjà? et c'est à mourir de rire. C'est une moto volée. C'est trois copains. Non, c'est trois copains qui s'infligent la lecture de Ready Player 2 et qui c'est nul. Enfin, c'est écrit avec les pieds, mais vraiment. Et ça n'a aucune cohérence scénaristique, artistique, tout ce que tu veux, avec du name dropping et des références dropping de ouf. Qu'est-ce que ça et, Audrey, c'est quoi du name dropping et du total? Parle-nous en français, s'il te plaît. En gros, il donne des références à tout va qui n'ont aucun sens. Genre, il va te donner des références de jeux obscurs en disant... C'est la suite de Ready Player One ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et tu dis que c'est nul ? De Ready Player One. C'est nul, c'est mais possible. Le livre est encore pire. Et encore pire. Et donc, ces trois personnes absolument extraordinaires perdent leur santé mentale petit à petit en faisant une explication du livre chapitre par chapitre. Et c'est à mourir de rire. Et j'ai été ravie de découvrir ça. Et je les ai enchaînés tout le week-end. Or, m'attend aussi à côté His Dark Material, qui est donc la série tirée de La Croisée des Mondes, livre qui a fait l'entièreté de ma jeunesse, quand j'avais l'âge d'Amanda. Et c'était il y a longtemps. Et oh mon Dieu, que c'est bien. Oh mon Dieu, je suis ravie de retourner dans cet univers. Voilà, c'était tout mon week-end. Allez, salut. Mais, non mais c'est bien, c'était très bien. Mais Audrey, t'es l'une des seules personnes que je connaisse qui dit « Ouais, en fait, un truc qui a ni queue ni tête, mais j'ai passé tout mon week-end à regarder parce que c'était génial. » Mais non, mais à les écouter, parce qu'ils sont, si drôles tous les trois. Ils y laissent leur santé mentale, mais alors c'est à mourir de rire pour les autres. Vraiment, genre, ils sont là à buter sur les incohérences scénaristiques de l'auteur. Parce que ça n'a ni queue ni tête, c'est vraiment, mais il enlève les règles, toutes les deux lignes, chaque événement est effondré, enfin bref, c'est vraiment de la bonne qualité. Ok, Laura, ton week-end ? Ah, je vais plutôt parler de ma semaine, parce que le week-end, ça date déjà de bientôt une semaine. C'est totalement non, vrai, ouais, il se prend pour un lundi en fait. Ah, mais c'est ça. Faut pas lui faire remarquer, faites comme si de rien n'était. Alors à mon âge, on a Alzheimer. Le studio, il est pas habitué. Non, cette semaine, j'ai redécouvert le soleil et la musique. Parce que, en fait, j'ai alterné entre télétravail et présentiel et au niveau de mon travail. Et mercredi, j'ai profité d'une petite pause d'une heure pour aller me promener sur l'île Simon à Tours. Et il y avait plein de monde qui essayait de profiter du soleil. Et puis, il y avait quelques étudiants qui étaient en train de faire de la musique. Donc, en fait, il y avait une qui avait une contrebasse, un qui avait une guitare acoustique, un qui avait... je sais pas comment ça s'appelle, l'instrument où on s'assoit dessus et on tape. Ah oui, une sorte de grosse caisse. Non. Qu'on par exemple le groupe Trio quand ils font. Ouais, c'est une sorte de batterie acoustique. Non, me regarde pas quand tu dis ça. Non, mais c'est vrai, faut pas jouer à Teddy. Peut-être Amanda, tu dis hein, si tu sais, mais non, j'ai plus le nom en tête. Mais c'est plutôt sympa pour l'acoustique. Non mais c'est ça, et je me suis vraiment cru en été, enfin j'étais même en t-shirt et tout, et jeudi par contre, j'ai failli pleurer dans la rue. Ah carrément. parce que en fait c'était aux portes de Loire à Tours, en fait il y avait une fanfare. Et la bandasse de l'école de médecine, ils sont trop bien. Tu parles de la même chose que moi ou pas? Parce que du coup c'était celle de Nantes. Allez, ils sont venus aussi, trop bien. Non, non, mais ils avaient marqué. En fait, je suis sur Facebook la fanfare de l'école de médecine. Ils ont dit qu'ils invitaient celle de Nantes. Ah, ils sont tous regroupés à Tours, ok. Ouais. Et en fait, ils disaient qu'ils étaient partis de Nantes et que leur but était d'aller jusqu'en Russie. Oh, nice. Et leur musique, ça donnait trop le smile parce que c'était une reprise de Toxic avec des trombones, saxo et compagnie. Ils vont se faire arrêter à la frontière. De Cascada, Every Time We Touch. Enfin bref, c'était génial. Mais du coup, j'ai été sur le point de pleurer parce que genre, mais les concerts, ça manque. Ça manque plus jamais. Et si on a encore de l'espoir. Moi, j'ai encore de l'espoir, ok. Mais oui, un jour, ça reviendra. Mais c'est malheureusement pas pour tout de suite. Et je pense que Amanda, t'as hâte réellement aussi de reprendre tout ce qui est concert, hein, j'imagine. Alors, Amanda vient de nous quitter. Ah mince. En direct live. Et j'ai un message d'Amanda. Je n'entends plus. Est-ce normal? Non, effectivement, ce n'est pas normal. Il va falloir qu'on peaufine tout ça. On va peaufiner, effectivement. Je vais juste demander à Daniel comment s'est passée ta semaine. Alors, du coup, ok, les semaines. Ouais, alors moi je crois que je vais vous amuser. Ma semaine en fait a commencé le week-end dernier. Ah bah mince. Donc tu vas être satisfait, on va parler du week-end quand même. Hein. Ouais. Donc moi j'avais décidé de refaire à la maison tout l'aménagement, mobilier. Et le geek que je suis en plus fabrique ses meubles sur mesure. Ok, bien. Donc le week-end dernier, j'ai tout préparé. C'est quoi le rapport avec geek ? Du matériel que j'avais commandé, qui arrive lundi. Ouais, t'es menuisier plus que geek, on est d'accord. Oui, parce que geek, ça n'a rien à voir. Moi, un peu tout, en fait. Ça dépend du jour. Mais voilà, tout se passe pas toujours comme prévu. Lundi, le colis n'est pas arrivé. Ah, mince. Et il est arrivé que hier, que ce matin, pardon. Alors, comme j'avais mis le bordel, je sais pas. J'avais tout préparé. Ah, parce que t'avais, oui, t'avais tout préparé pour monter ton meuble sans l'avoir, oui, ok. Voilà, voilà. Donc, j'ai passé une semaine dans le bordel parce que j'ai pas voulu re-ranger, tout me retaper, remonter, etc. C'est bien l'anticipation, mais des fois, effectivement, avec les, avec les colis, c'est compliqué. Voilà, oui, bah pour une fois, le colis était pas là, tu vois. Et tu l'as reçu finalement ou pas? Oui, je l'ai reçu ce matin, donc là, ça y est, je m'y suis remis et ça commence à aller mieux, là. Hein, c'est... Ok, donc t'es en train de monter tous les meubles de la maison pour mettre des choses à l'intérieur après, quoi. Bah oui, les choses qui sont plus à l'intérieur pour l'instant et... Ouais. Ok. Tout le bordel. Teddy, ton week-end? Bah, il est loin le week-end. Clairement, il est très loin le week-end. Non, mais je sais pas, parce que toi, tu montes pas des meubles en kit qui arrivent plus tard, non? Moi, je fais du pain qui arrive pas forcément plus tard. Ouais, faut que ça soit du, l'instantané. Ouais, ouais, ouais, non, c'est... il est cramé, quoi. Enfin, c'est de la veille pour le lendemain, le pain, hein, faut savoir. Sinon, il est rassis. Ouais, ouais, c'est peu très bon, ouais. Mais bon, là, du coup, j'ai fait du pain pendant toute la semaine et j'ai réussi à trouver une bonne organisation dans la nouvelle entreprise où je suis. Ça marche plutôt bien, j'arrive à être en avance sur l'horaire prédéfini, donc je suis plutôt content de ma semaine. C'est cool. Puis je fais du bon pain, hein, je fais du beau pain. Hein. J'ai donné faim à Théo tout à l'heure et il était mort de faim, il bavait tellement. Bah oui, quand on parle de nourriture à 20h, effectivement, je commence à avoir un petit creux. Mais je vais parler de trucs techniques, genre la régularité absolue. Alors tu vas continuer d'en parler hors antenne. D'accord. Pendant qu'on va écouter de la musique, est-ce qu'Amanda est de nouveau avec nous? Non, pas encore. Non, pas encore. Elle a un petit problème de connexion. D'accord, eh ben on va tenter de régler ce problème durant la musique. On va écouter la reprise de Sixpences avec... Sixpence ? Pourquoi que Sixpences ? Avec Pomplamoose, donc qui reprend Kiss Me, très belle chanson des années 90 sur Indestar dans cette émission à la maison. Et normalement, on espère que tout se passe bien techniquement. Amanda Bourneuf, notre invitée, jusqu'à 23h sur Indestar dans cette émission. On va parler avec elle de sa carrière et puis de son projet, et son projet qui est sorti. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Et elle est là, Amanda. Elle est de retour. Je suis de retour. Tout va bien. Bah oui, bah vous savez, hein, le direct des fois nous réserve quelques surprises. Surtout que vous le savez, c'est l'émission à la maison, donc on est chacun chez nous. On passe par un serveur Discord. On les salue, Discord. Ils sont géniaux. Non, ils nous permettent de faire des émissions deux fois par semaine. Donc voilà, on va pas se plaindre. Mais des fois, il y a des petits soucis techniques. C'est comme ça. Amanda Bourneuf, donc notre invitée ce soir, auteur-compositeur, interprète, évidemment. On va parler de tous tes projets. Et pour commencer, j'ai ce qu'on appelle une bio approximative. Donc, comme son nom l'indique, il y a des infos, c'est approximatif. Et surtout, t'hésites pas à la fin de me dire s'il y a des infos qui sont fausses. Et on pourra reparler de tout ça ensemble. Alors, né il y a pas longtemps, c'est un vieux qui parle, tu grandis auprès de parents qui écoutent de la musique et d'une sœur qui en joue, de la guitare essentiellement. C'est ce qui t'amène tout naturellement à proposer tes premiers concerts à tes peluches à l'âge de 6-7 ans. Et ça remplace aussi l'autoradio défaillant de la voiture, hein, à certaines occasions, par exemple les départs en vacances. Et puis il y a la chorale, ouais. L'événement du mercredi, que tu ne le louperais pour rien au monde, sauf peut-être pour un concert de Céline, hein, évidemment. Comme elle, tu rêves de monter sur scène, c'est d'ailleurs ce qui t'arrive avec un concours de chant où tu rencontres Grégoire, qui dit le soir à sa sœur Léa, auteure-compositrice... À sa femme, pardon. Ah, c'est sa femme. Il lui dit, hey, tu connais pas Amanda, elle est trop cool. Et là, c'est le coup de foudre artistique. C'est avec Léa que tu reprends tes artistes préférés. Oui. Ah, attends, on a un petit extrait. Non. When she does out the sun, don't know why it did come. Lana Del Rey. If you buy the Nora Jones. Merci. Ouais, il m'avait dit Nora Jones. J'ai dit Nora Jones. C'est pas un point pour le quiz. Hein. Non, ouais. Ouais. Et c'est avec Léa que tu enchaînes les scènes jusqu'à cette question quasiment existentielle. Mais c'est-y pas que j'écrirais bien mes chansons moi-même, tiens. Bon, c'était sûrement mieux formulé. Hein. Voilà. Et c'est ainsi que sort. Puisqu'elle n'est pas dans les années 50, contrairement à Théo. Exactement. C'est ainsi que sort en 2020 un premier EP 5 titres et un premier clip, Je voudrais. Aujourd'hui, on choisit qui on est et ce qu'on vit. On peut réaliser ce qu'on a imaginé. C'est beau. Est-ce que tu voudrais, bah, c'est en faire ton métier et c'est d'ailleurs dans cette voie-là que tu te diriges. Et là, on arrive en 2021 avec la sortie de l'album dont nous allons revenir dessus. Mais avant, petite question et revenons sur cette passion pour le chant. À quel moment, parce que tu nous as dit donc ouais, à 6-7 ans, t'as commencé à chanter, mais à quel moment tu t'es dit vraiment c'est ça que je veux faire quoi, c'est ça que je veux faire et rien d'autre? Alors je sais, en fait j'ai vraiment pas trop de dates par rapport à ça, c'est ouf parce que j'ai toujours en fait chanté quand j'étais petite. Mmh. Et c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé cette question là. C'est en fait c'est venu naturellement le fait que voilà je veux faire ça plus tard parce qu'en fait ça semblait évident le fait que en fait j'aimais beaucoup plus chanter que de parler, enfin je trouvais ça plus naturel pour moi. Ouais. Et ça m'est jamais venu à l'idée de me poser cette question. En tout cas, je me souviens pas moi de m'être posé cette question intérieurement. Donc ouais, c'est juste naturel en fait. En fait, je chantais dans la voiture des chansons de Rihanna. Et ouais, je pense que c'est peut-être à partir de ce moment-là que je me suis dit ouais, pourquoi pas tenter l'aventure et devenir une chanteuse célèbre. Comme elle. Eh, hey, si t'arrives à avoir la carrière de Rihanna, franchement, ça serait top top. Ah ouais, ça serait cool. Carrément. Et d'ailleurs, alors, tout le monde est prévenu. Elle a déjà dit chanteuse célèbre. Ah bah oui, bah évidemment. Et... Ouais, tant qu'à faire, hein, pour faire les choses à moitié, bah, c'est bien, Amanda. Tu vas pas rêver d'être un chanteur pas célèbre et dans l'obscurité, Daniel, en même temps. Ah oui, quand même, c'est pour ça, j'insiste dessus, c'est important. Bah oui. Y a pas un chanteur qui disait chante pour les copains? Qui disait je chante pour les si. Copains? Ouais. Mais c'est un truc de boomer en plus. C'est je m'appelle Henri. Je sais pas. Ouais, Patrick Timbre. Ah, non, Balavoine. Ouais, il chante pour les copains. Daniel Balavoine. Oui, oui. Ouais, Daniel Balavoine le disait. Mais bon, ah ouais. En même temps, la carrière de Balavoine, j'aimerais bien l'avoir aussi. Moins oui, le crash en hélicoptère. Moi, voilà, ça fait fin. Exactement. Bon, d'ailleurs, tu en parles hein, de cette volonté d'être chanteuse dans le titre Être moi de l'album. Ouais. En vrai, pour enfin, t'as 15 ans, 16 ans, 15 ans et demi. 16 ans. 16 ans, voilà. Oh, il t'a insulté, là. Pourquoi 15 ans et demi? Traite-le de vieux, s'il te plaît. Il est antique. Non, 16 ans, pas 16 ans et demi, parce que attends, non, il insistait sur les demi, alors non, la précision est importante. 16 ans, mais t'as déjà une grande maîtrise de ta voix. Et moi, la question que j'avais, c'est est-ce que ça a changé à l'adolescence? Parce que tu me dis que t'as commencé quand t'étais petite. Est-ce que quand t'as commencé à être ado, t'as la voix qui a changé? Est-ce que ça t'a posé des problèmes ou alors c'est passé crème? Alors, c'est passé crème, comme tu le dis. En fait, c'est juste que la plupart du temps, en fait, on se dit tous que c'est que les hommes qui muent. Ouais. Mais il y a aussi les femmes, bah mais oui, c'est, ouais. Enfin, c'est moins, on le voit moins en fait. Mm. Mais dans la vie en fait, il faut savoir que même les femmes et les hommes, leur voix elle change en fait au fur et à mesure. Ouais, quand t'as 20 ans, t'as la même voix qu'à 16 ans. Mm. Et c'est ce que j'ai ressenti moi, donc j'ai pas eu vraiment de soucis. Après, je sais que justement, j'ai pris une prof de chant que je suis à peu près depuis un mois en quelque sorte. Et voilà, c'est Mariana Yutova et elle m'apprend justement la base du chant parce que j'ai toujours chanté naturellement sans me poser vraiment de questions par rapport à la préservation de la voix. Ouais. Mais c'est vrai que je pense avec le temps, c'est important de la préserver et d'apprendre vraiment les vraies bases pour pouvoir la préserver pour les années futures, pardon, ouais. Pour les tournées si j'en fais. Voilà. Justement, Amanda, je me posais la question, en fait, t'as commencé à apprendre à quel âge, en fait, le chant et si tu faisais des instruments à côté? Alors, j'ai commencé sur scène à chanter avec ma guitare quand j'avais à peu près 6-7 ans. Mm-hmm. Voilà, du coup, c'était la première fois que j'étais devant des gens et que je chantais pour leur faire plaisir. En chantant les chansons que je voulais avec Louane, à venir, sa chanson phare. Ouais. Je kiffe Louane. Voilà, du coup, je fais de la guitare. Mais sinon, vraiment, j'ai commencé à chanter du coup vers 6-7 ans dans la voiture avec mes parents. Quand on partait en vacances, on écoutait du Rihanna à fond. Voilà, c'est une de ces chanteuses, pardon, qui m'a inspirée beaucoup, avec Adèle aussi. Ouais. Parce que voilà, elle a une voix puissante et c'est vraiment ce que je recherchais en fait. Ah bah Adèle, elle a un coffre, Adèle, c'est un break. Hein. Non, Théo, non. On peut pas la faire, franchement, je la valide quand même. Je la valide quand même. Non. Si. Non. Mais... Non, mais déjà qu'il parlait de crème tout à l'heure et après avoir parlé de bouffe. Il a voulu faire Jones en disant ça passe crème. Ah, oh, ça va. Ouais, non, mais après la nourriture qu'il a parlé avec Teddy, la crème. J'ai failli rajouter comme dans voitures. La carbo, mais bon, il n'y a pas forcément de la crème dans la carbo, mais on s'en fout. Par contre, tu parles de guitare, t'as appris toute seule aussi à jouer de la guitare ou t'as eu des cours? Alors non, pas du tout. J'ai toujours eu des cours depuis que j'ai depuis que j'ai 6 ans, depuis 7 ans à peu près, non, plutôt. Ouais. Et du coup, ça doit faire maintenant 5-6 ans. En fait, j'ai jamais compté vraiment, mais après, c'est vrai que je suis plus concentrée sur mon instrument, en fait, qui est ma voix, et moins sur la guitare, mais même si j'aime beaucoup en jouer quand même. La guitare, au final, c'est plutôt pour toi un instrument d'accompagnement, finalement, par rapport à ta voix. Ouais, c'est trop marrant parce que je me retrouve un peu en toi. Enfin, j'ai eu une période où je chantais aussi, où je faisais de la guitare et enfin j'ai jamais forcément eu vocation à en faire quelque chose de professionnel comme toi. T'es en train de le faire actuellement, mais pareil, les références, c'était Rihanna, Adèle a chanté ça à fond toute seule et puis un jour. Vous étiez dans la même voiture? Non. Quoi? Depuis le début? T'as un extrait à nous faire écouter, Laura? Eh, hey, on va chercher dans les. Un jour, on fera une émission vieux dossier, tu sais. Ouais. Et quoi? Mais c'était toi dans la voiture? Laura va chanter en live pour nous. C'était une cousine éloignée, voilà. Et sinon, voilà, j'ai aussi le piano que ça doit faire à peu près 6 mois, en fait, depuis qu'il y a le confinement, que je commence à en jouer en autodidacte, en quelque sorte. Ouais. Voilà, il y a ma pianiste qui me donne des petits conseils. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cet instrument et j'ai toujours aimé cet instrument. Et donc, Amanda, voilà, est-ce que de jouer des instruments, ça t'aide à composer tes musiques? Savoir déjà la mélodie, est-ce que ça t'aide à trouver les paroles ou vice-versa? En fait, quand je suis chez moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que, par exemple, je joue des accords au pif, en fait, limite. Mm-hmm. Et je vois si c'est beau ou pas, parce que ça peut être moche. Et si ça matche à l'oreille. Je tâtonne un peu, en fait, et j'arrive à des résultats pas mal. Du coup, c'est cool. Non, franchement, ça m'aide beaucoup. Et je pense que, justement, tous les chanteurs... même s'ils jouent pas en fait du piano, je pense qu'ils doivent avoir une base tous un peu. Ils apprennent comme ça à composer et à écrire. Bah, c'est, je sais que avec les différentes interviews que j'ai faites sur chanteurs chanteuses, vous avez tous une façon différente en fait d'aborder la composition. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent par les paroles et après ils essayent de mettre voilà une base musicale dessus. Il y en a c'est l'inverse. Enfin c'est vraiment très différent en fait en fonction. Qui savent aussi jouer des instruments, souvent ouais il y a des fois un mélange de je chante en yaourt sur une mélodie et puis après j'écris la mélodie qui va avec le mood que dégage la musique. Enfin voilà. Chacun a ça, c'est souvent ce que fait le groupe. C'est souvent ce qu'a fait le groupe Queen aussi, notamment. Ah. Enfin, j'ai une petite anecdote. Ah, encore. Alors attends, juste. Tu voulais une Amanda... anecdote compo aussi, j'en ai une mignonne. D'accord. Juste Amanda, spoiler alert. Laura est fan de Queen, hein, donc c'est normal que la référence soit celle-ci. Non, c'est juste un petit truc. Enfin, parce qu'en fait, j'ai un gros bouquin qui s'appelle Queen la totale que j'ai pas encore fini de lire, mais sur les dernières chansons dont j'ai lu les explications, il y avait la chanson Radio Gaga. C'est assez connu. Radio Gaga. Et pourquoi elle s'appelle Radio Gaga? Je vais vous le dire ce soir. Vous allez être déçus ou pas? Non. Lady Gaga a repris le nom de cette chanson. Je crois savoir pourquoi, mais peut-être que tu vas me contredire, Laura, si je te donne la raison. Je crois que c'est parce que les radios jouaient un peu de la merde et du coup c'était un peu l'idée de faire transparaître ça dans la chanson, non? Pas du tout. Ah bon, en fait, d'accord. Non, cette chanson, en fait, c'est un peu au contraire quelque chose de nostalgique par rapport à la radio, en mode oh la radio, oh mais ça nous manque et tout. C'était mieux avant. C'est ça parce qu'en fait c'était un peu à ce moment-là l'émergence des comment dire des clips vidéo. Ouais, et ça MTV, leur manquait ouais. Le fait justement de se concentrer que sur la radio, ils devaient aussi se concentrer sur les clips vidéo. Mm-hmm. Mais ce n'est pas ça le sujet, c'est pourquoi ça s'appelle Radio Gaga. Et bah à la base ce titre devait s'appeler Radio Caca. Et pourquoi Radio Caca? parce que Roger Taylor, le guitariste, non le batteur, il avait un fils qui était franco-anglais parce qu'il s'était marié avec une femme française. Et du coup, un jour, son gamin, il est tout bambin, fait caca caca radio caca radio caca. Et du coup, c'est ça qui lui a donné envie. Oh, mais ça sonne bien Radio Caca, ouais. Et en fait ils ont enregistré en disant Radio Caca et à la dernière minute ils ont changé en Radio Gaga pour que ça voilà passe mieux. L'inspiration de Queen. Alors on a vu l'inspiration d'Amanda. L'inspiration. Attends, moi j'ai une question à poser à Laura, excuse-moi. Ouais. Un livre de Queen que t'as pas fini de lire de... Qu'est-ce que ce sera quand elle aura fini? C'est une anthologie. Comment ça se fait? Et attends, tu veux voir le machin? Enfin, elle fait 800 pages. Ah, je veux moi, dire, j'aurais cru que tu l'aurais dévoré en 2 minutes. Hein. Ah bah non. Mais attends, non mais c'est Queen, la totale, les 188 chansons expliquées. Et attends, il fait combien de pages le truc? Moi, il fait 500 pages. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on est sur une émission. Et c'est pas en format de poche, hein. C'est un format genre A4. Hein. Donc, On est sur une émission spéciale Amanda. Et on arrive à parler de Queen quand même, vraiment. C'est ça. C'est de la musique. Oui, ah oui, musique. Bah oui, évidemment que c'est de la musique. Et justement sur la musique, pas, mais... Amanda, comment tu arrives, donc tu fais, on le disait tout à l'heure, la rencontre de Léa. Comment tu arrives à passer, au début tu faisais des reprises avec elle sur qui sont disponibles sur ta chaîne YouTube. Ouais. Comment on passe de ça à se dire bah ouais, je vais faire un album. On enregistre un EP. Ouais. Bah en fait c'est vrai que comment dire, chanter des chansons d'autres personnes c'est cool, mais au bout d'un moment je pense que on tourne peut-être toujours autour des mêmes chanteurs et on se dit bah pourquoi pas aller vers autre chose en fait et partir dans quelque chose de plus concret, de plus voilà, de plus drôle en fait, parce que c'est cool franchement de composer et d'écrire. Ouais. Et bah on s'est dit toutes les deux bah ouais, pourquoi pas se lancer et voilà et écrire et composer nos propres chansons et on verra où ça nous mène et maintenant on a un album et maintenant et, tu vois un peu effectivement où ça te mène. Donc le premier G ça a été l'EP qui est sorti l'année dernière et puis après donc ouais. Vous décidez de franchir le cap de l'album qui est sorti là sur toutes les plateformes, c'était le 22 janvier donc ça fait un mois, hein, voilà, à tout casser. Ouais. À l'intérieur, il y a 13 titres, alors de pop hein, plutôt, qui parlent aussi bien d'amour que de harcèlement, que d'actu. Il y a plein de choses au travers de cet album qui s'appelle Entre nous. Pourquoi ce titre? Pourquoi Entre nous? Alors Entre nous, en fait, c'était en fait l'intimité qu'on va... En fait, je vais partager mon intimité avec justement le public qui va venir écouter mes musiques. Ouais. Voilà, pour leur parler de plusieurs thèmes. Donc, comme tu as dit, le harcèlement scolaire, l'amour... des deux sens du terme, parce que l'amour c'est aussi la passion et aussi malheureusement le côté la destruction, en fait le côté le plus noir. Il y a aussi voilà le côté qu'en fait en fait le masque, en fait le côté se cacher en fait le visage pour devenir quelqu'un d'autre. Oh. Alors que enfin, il faut être soi-même dans la vie. Mmh. Voilà, c'est bien dans le thème, de ça. La société, bah, il de vraiment plein de sujets. Et voilà, ça permet aux gens de rentrer dans notre univers à tous, ouais. Mes musiciens et moi. Et puis c'est vrai que, comme dit Teddy, le coup du masque, c'est en plus d'actualité, parce que je pense qu'il y a un double sens dans ta chanson, ouais. Et ça correspond aussi à l'actualité. Alors, c'est non, bien pas joué. Du tout, parce qu'avec avec Léa, en fait, justement, on l'avait écrit avant le confinement, donc c'est un truc de dingue en fait. C'était pile poil au bon moment en fait. La coïncidence de ouf quoi. Mais c'est bien, mais tu sais qu'il y a des tas de projets musicaux comme ça qui... alors, à contrario, il y a des tas de projets musicaux qui tombent soit trop en avant, soit en retard, et du coup ça fait un bide, ouais. Parce que voilà. Mais il y a aussi des projets qui tombent pile poil dans une actu parce que par le plus grand des hasards. Et comme là le coup de la chanson le masque, ouais, c'est enfin effectivement comme tu dis c'est fou, mais ça tombe super bien. Alors la tracklist, il y a donc il y a Today qu'on va écouter tout à l'heure, hein, sur Indestar, le masque évidemment. Elle attend, toi et moi, le voyageur, je voudrais, dans tes yeux, on va reparler aussi. Insoumise, harcelée, compliquée, adieu, être moi et Margot. Voilà, donc tous ces titres qui sont retrouvés sur ce très bel premier album. Peut-être on va reprendre évidemment après ce que tu as fait pour cet album, comment ça s'est passé, etc. Tu m'as dit que tu t'avais envie de nous jouer un titre en live, mais qu'il fallait pas qu'on le joue trop tard parce que sinon les voisins vont criser. Donc peut-être qu'on va le faire maintenant. Ils vont aller dormir, on les comprend. Hein, s'ils travaillent demain, c'est normal. Donc peut-être qu'on peut le faire maintenant et puis on revient sur la conception de l'album juste après. Donc quel est le titre que tu voulais nous interpréter? Alors là, c'est Adieu, donc c'est justement le côté noir de l'amour, donc c'est-à-dire la rupture. Ouais. Voilà, du coup, c'est une chanson piano-voix et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est Léa qui est au piano, c'est ça, et toi au chant. Ok, très bien. Et ben attention, c'est parti, en exclusivité Indestar live avec Amanda Bourneuf dans cette émission à la maison. Adieu. On est là. Hier soir tu m'aimais encore, tu me racontais comme on était fort, on se regardait du fond de nos âmes, on croyait que rien ne romprait le charme, mais ce matin tout a changé. Tu ne me vois même plus passer. On vit bien juste à côté. J'ai juste cessé d'exister. Hier soir quand je suis rentrée dans le noir, je t'ai vu pleurer. On voulait croire qu'on serait les plus forts. On voulait croire qu'ils avaient tort. Mais ce matin, tout a changé. Tu ne me vois même plus passer. On vit bien juste à côté. J'ai juste cessé d'exister. Hier soir quand la porte s'est fermée, j'ai senti le sol qui cédait. J'aurais voulu encore te parler, te dire à quel point je t'aimais. Je suis seule, tu n'es plus là. Rien n'est pareil autour de moi. Même les couleurs de la vie semblent soudain si tristes. Je voudrais pouvoir tout effacer et enfin tout recommencer. Sentir tes lèvres se poser, pouvoir à nouveau s'aimer. Ce matin tout a changé. Notre amour s'est évaporé. Je dois simplement continuer. Sans toi, t'exister. Et voilà. Bravo, Amanda. Bravo, bravo Amanda. Amanda. Bravo. Bravo. En live sur Indestar avec ce titre Adieu. C'est un titre donc qui parle de rupture amoureuse. C'est quelque chose que tu as déjà vécu, Amanda ? Alors non, je ne l'ai pas vécu, mais c'est vrai que j'observe beaucoup autour de moi. Et c'est vrai que j'ai vu plein de gens en fait rompre en fait avec leur copain ou leur copine. Mmh. Et ça, voilà, ça, je me suis dit pourquoi pas en parler, parce que c'est quelque chose, en fait la plupart du temps je trouve on parle plus de l'amour, de la passion, ouais, que du côté obscur de l'amour. Et voilà, c'est, je voulais en parler. Il y a quelqu'un, voilà, qui a dit les histoires d'amour finissent mal en général. Et oui, malheureusement c'est pas le cas. France Gall. mais en fait, ça dépend, mais voilà, c'est avec le temps qu'on oublie aussi ces histoires-là. C'est vrai. Heureusement, notre cerveau a cette capacité-là d'oublier aussi et de garder que les bons côtés. C'est valable pour l'ensemble des choses de la vie. Plus globalement, dans cet album, sur les 13 titres que tu as écrit ou co-écrit avec Léa, ce sont des choses qui te touchent la plupart du temps, ou ce sont des choses comme ça que tu as analysées, vues et que tu as retranscrit à ta façon? Comment tu l'as écrit, cet album? Alors en fait, c'est en quelque sorte les deux, parce que comme je l'ai dit, j'observe beaucoup et c'est vrai que bah, y a des sujets qui me touchent beaucoup, ouais, dans la société, comme par exemple je parle de l'espoir, de l'espoir collectif, parce que c'est en faisant quelque chose ensemble qu'on peut réussir à sauver le monde de voilà tout ce qui se passe dans le monde. Mmh. Mais il y a aussi par exemple le harcèlement scolaire qui m'a beaucoup touchée. Ouais. Je l'ai pas vécu, mais c'est vraiment des sujets, voilà, qui me touchent et dont j'avais envie de parler. Il y a aussi des thèmes comme par exemple avec Grégory Le Marchal, où je parle du fait que bah cet homme en fait il a fait des choses extraordinaires, et je pense que c'était un exemple pour tous, enfin ça devrait être un exemple pour tous, parce que c'est voilà un homme qui a su se battre contre cette maladie qui est la mucoviscidose et qui tue beaucoup beaucoup de monde, et on n'en parle pas beaucoup. C'est voilà des sujets, voilà, je voulais en parler parce que c'est voilà quelque chose qui, ouais, qui c'est, me touche beaucoup. Ça se retrouve dans le titre Dans tes yeux, hein, cet hommage à Grégory Le Marchal. Et ton engagement, parce que j'ai l'impression que effectivement t'es pas mal engagé pour cette cause. Qu'est-ce qui te rapproche de notamment cette association qu'il avait montée, enfin qui a fondé, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu te sens proche de problèmes comme celui de Grégory Le Marchal pour la pourquoi celui-là et pas un autre, en fait, par exemple, oui, ouais. Ça doit être ça qui, ouais. Non, ou plus globalement, en fait, ouais. j'ai été touchée en fait simplement par sa voix qui était et aussi son regard sur scène, parce que il avait un de ces regards qu'on peut pas oublier. Mm-hmm. Et même si je l'ai jamais connu, et que d'ailleurs j'aurais voulu le connaître malheureusement, mais il est parti trop tôt. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a transpercée quand j'étais un peu plus jeune, s'il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Mais c'est... En fait, ma mère, elle m'en avait déjà parlé quand j'étais petite. Et j'avais juste regardé vite fait, en fait, ce qu'il faisait. Mais c'est vrai qu'en grandissant, j'ai commencé à apprendre, en fait, à connaître cet homme qu'il était. Et ça m'a touchée, ça m'a transpercée, sa façon d'être, sa manière de voir la vie et de la prendre comme elle est. Et pas en fait attendre longtemps, ouais, avant de vouloir faire ce que t'as vraiment envie de faire. Et c'est aussi de ça que je voulais parler. C'est du fait que quand t'as envie de faire quelque chose, il faut le faire, parce qu'on n'a qu'une vie, et que voilà. Et après, on tombe en confinement et puis c'est la fin. Ah mais c'est ça. Ouais. Il y avait un collègue qui... Non, mais il y avait un collègue qui avait l'habitude de dire dans les émissions radio, parce que chaque jour compte. Mais c'est vrai que c'est super important de se lever le matin, ouais, et de se dire, voilà, c'est une nouvelle journée, on va en pouvoir fait, faire des tas de choses. Compte, mais toutes les journées qui passent, c'est du temps perdu, en fait. Il faut le prendre comme ça, il faut faire le maximum de choses qu'on a envie de faire. Voilà, pour avoir une belle vie ouais, et ne pas regretter, en fait. C'est ça. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. C'est effectivement ne pas avoir de regrets, ou en tous les cas le moins possible, parce que si on fait le bilan à la fin de notre vie, on a toujours des regrets, mais d'en avoir le moins possible et de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ouais, je pense que c'est hyper important. Ouais. Malheureusement, on l'oublie. Hein. Ouais, bah oui, non, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Ouais. Mm. Sur la composition de l'album, alors il y a plusieurs genres. J'ai parlé de pop, hein, tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a des ballades, on a un petit peu de swing, un petit peu de blues, des choses comme ça qui interviennent. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est qu'il y a de la flûte aussi. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors c'est Yvan, hein, je crois, qui fait la flûte quand. Yvan Bertel. Ouais. C'est un choix plutôt original pour de la pop de 2020. Ça s'est fait comment, plus globalement, hein, je veux dire artistiquement, pour la sonorité de l'album, le choix du studio d'enregistrement, tout ça, c'est des choses qu'on t'a proposées ou c'est de ton propre chef? Alors en fait, il faut savoir que Yvan Bertel, d'ailleurs je le salue, je sais pas s'il m'écoute, voilà, il vit très loin, donc au Honduras. Ouais. C'est pas à côté. Mm-hmm. Et du coup, bah, il a dû s'adapter en fait, comme en fait on n'a pas pu vraiment le voir pour qu'il enregistre cet album. Des fois, il est venu une fois chez Léa et du coup, il a pu enregistrer Je voudrais la partie de flûte et en fait, il l'a fait tout de suite comme ça, d'un seul coup. Et on s'est demandé, mais comment il l'a fait, est-ce qu'il a préparé ce qu'il devait faire, et non, pas du tout. Il a juste en fait. Ah, il a improvisé. Ouais, il a flûté comme il ça. Il a imposé son truc. Enfin, voilà, d'un seul coup comme ça, et il s'est mis à s'envoler en fait. C'est un génie de la flûte. Cool, ouais. Et du coup, voilà, ça fait Je voudrais, et on voulait quelque chose justement qui était différent d'ordinaire. Mm. Parce que nous, on n'a pas envie de suivre voilà, toujours. Les mêmes choses, en fait, on a envie un peu de changer et ouais, bien sûr. D'utiliser des choses que les gens ne voient pas et n'écoutent pas forcément. Donc, mm-hmm. La flûte voilà. Mapette du collège. Oui, alors non, ça n'a rien à voir avec non, le... Alors, avec la... non. Ah non, ah bah mince. T'en as fait encore de la flûte au collège? Alors oui, j'en ai fait pendant jusqu'en quatrième. Ouais. Après, mon prof est parti et j'ai eu un autre prof de musique et on a arrêté. Ouais, non mais je. Et tu trouvais que t'étais comment à la flûte? T'étais doué ou ils ont dit que t'étais nul et maintenant ils regrettent? Non, franchement, ça allait. Bon, après, je pratiquais pas, c'était pas vraiment mon instrument fétiche. Oui. Mais bon, je me débrouillais donc. Ça se comprend, hein, parce que même si t'es bon, la flûte que t'as au collège, ça peut pas être harmonieux. Surtout avec une classe de 30 élèves, ça peut pas être harmonieux. Hein. Ouais. sur ton album, je vais parler un peu plus financier. Mais donc, vous avez fait appel à Ulule, qui est du financement participatif. Mmh. Alors, le projet, un projet participatif, c'est tu mets en ligne ton projet avec une certaine somme et puis après, les gens mettent de l'argent pour financer ce projet en contrepartie d'avoir bah, des petites, l'album. Non, l'album ou des places pour un concert ou y a plein de contreparties hein, qui peuvent exister. Comment on vend son projet justement sur une plateforme comme ça et est-ce que l'EP que tu as sorti l'année dernière t'as facilité un peu les choses? Alors je sais pas du tout en fait parce que c'est vrai que bah du coup on a dû faire beaucoup en fait de communication sur Instagram, sur Facebook, à nos contacts et aussi voilà faire des petites vidéos aussi en parlant de notre projet. Mm-hmm. Mais c'est vrai que les gens ils ont été au rendez-vous et c'était génial parce qu'on a pu récolter ce qu'on voulait. Même un petit peu plus, donc voilà, on les remercie tous. Mmh. Et d'ailleurs, bah, ils vont tous recevoir leur contrepartie bah, dans pas longtemps d'ailleurs. D'accord. Et quels sont tes premiers fans? Est-ce que c'est plutôt ta famille, tes amis, des camarades de classe c'est... Qui sont les premiers? Alors, il y a mes parents, bien sûr. Ouais. C'est mes premiers fans, logiquement. Sinon, pas trop mes camarades parce que je leur en parle jamais donc c'est vraiment quelque chose que je mets de côté je vais au lycée pour aller au lycée et puis voilà quoi c'est pas la musique. T'es pas la rockstar du lycée en fait. Non. j'ai pas envie de après l'émission de ce soir c'est foutu hein. Ah bah oui tout le monde va écouter. Non mais moi j'ai le souvenir d'une série alors que je pense pas que tu connaisses mais à l'époque qui s'appelait Instant Star. Non mais arrête c'était non, attends même moi arrête. Je la connais pas. C'est pas grave. Personne parce que connaît. T'es un culte. Non. Mais Daniel il connaît pas je suis sûr. Non mais c'est pas ah non je crois que c'est la première fois que j'entends parler. Bon, oui. C'est pas si vieux et Instant Star c'était en Amérique. Mais c'était en Amérique. Oui, mais qui aux États-Unis, ça va. Ouais. C'était une jeune femme de ton âge à peu près hein, qui faisait de la musique et qui était ouais un peu la star, la rock star du lycée. Donc toi, tu préfères en fait faire la part des choses, on va dire entre. J'aime bien en fait être dans l'ombre. Ouais. Mais quand c'est mon, j'y vais et je profite à fond. En fait, elle va rester dans l'ombre toute l'année et à la fin du lycée, elle va faire un gros concert de malade. Je suis Amanda Bourneuf. Voilà. Et voilà. Tout déchiré. Ah, ça ferait plutôt style Anna Montana dans ce cas. Oui. Ouais. On va être un peu plus dans le récent. Ça, j'ai pas vu. Plus sympa. Oui, sans doute. Bon, voilà. Comment on lance un album en 2021? Parce que bon, voilà, enfin sans faire un spécial Covid, mais forcément l'année qu'on vient de traverser a pas été facile et notamment pour tous les artistes, c'est forcément plus compliqué de faire des concerts. C'est comment on arrive quand même à sortir un album comme tu l'as fait là? Alors déjà il y a mon groupe. Il y a mes musiciens, mon directeur artistique, donc ils sont tous là derrière moi. Donc c'est sûr, c'était un peu difficile, mais on a pu vraiment bien avancer. Et c'est le pour, en quelque sorte, du Covid, parce que vraiment, on ne s'attendait pas du tout à avancer autant. Donc là, je suis dans des radios, voilà, je suis super heureuse et je suis même passée dans une émission TV, donc avec Jackie. Oh. Ah, Jackie et, du Club Dorothée. Oui. Ah oui. Du coup, c'est la première fois, on a franchement bien avancé. Après, il y a certains côtés négatifs aussi, donc avec malheureusement le fait qu'on ne peut pas faire de concert. C'est vraiment le côté le plus négatif pour moi parce que c'est quelque chose que j'aime faire et justement, c'est ça que j'aime en fait. La scène et partager ma passion avec d'autres personnes. Avant le Covid, évidemment, tu faisais combien de concerts à peu près par an ou par mois? À la fin de l'année, le spectacle de l'école. Bah non, ils sont pas au courant. Donc non. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas écouté. Un par mois, je crois, à peu près. Ah ouais. J'ai pas vraiment. Ouais, approximativement. C'est pas mal parce que bon, on rappelle quand même, t'as tes cours, t'as tes devoirs, j'imagine aussi. Plus la chorale. Ouais, pour les cours en fait ça va parce que j'apprends mes cours le jour pour, enfin je les apprends en fait dès que j'ai des leçons à apprendre, je les apprends le soir. Et donc en fait je connais tous mes cours par cœur depuis le début de l'année. Comme les chansons. Donc c'est-à-dire que voilà, je les garde dans la tête et ça me permet de pouvoir avancer niveau musique. Donc comme ça t'as ton week-end à peu près tranquille pour te consacrer à la musique quoi. Exactement. Enfin, même si je travaillais un petit peu quand même le week-end pour les revoir. Tant mieux. Et d'ailleurs, ça revient à la suite de ce que j'étais en train de penser. Là, pour l'instant, tu es en études, tu es au lycée. Mais comment tu vois la suite après le lycée et comment tu vois la suite, surtout musicalement comment tu vois? Je me vois à Bercy. Il faut avoir l'ambition. Sur scène ou dans les coulisses? Ah mais il faut oser. Hein, de toute façon. D'accord. Direct à Bercy. Avec quel artiste tu rêverais de faire un duo français ou international? Sean Mendes, logique. Sean Mendes, pourquoi logique? Le besoin de réfléchir pour te dire ça vient du cœur. Ah, exactement. Ouais. Et pourquoi Sean Mendes du coup? J'aime tellement sa voix, j'adore sa voix. Je sais pas en fait, je me suis pris une passion en fait pour lui. Ah. Soudainement en fait, je sais pas si vous avez tous Netflix. Il y a eu un documentaire, ouais. Son documentaire. Mm. Et je suis tombée fan de lui. Je viens de recevoir un texto de Sean Mendes qui me dit qu'il te veut en première partie. Ça tombe bien. En douille. Et artiste français, t'aimerais qui? Slimane Evita, j'aime beaucoup. Vianney, qui a-t-il? Moi. Non, Daniel, tu ne chantes pas. Céline Dion, du coup, aussi. Céline Dion, ça c'est Hélène. Voilà, Céline, ça doit être assez incroyable, clairement. Magnifique. Bon, j'ai tenté le coup, mais apparemment, je suis pas retenu. Hein. Non, Daniel, t'as pas passé le casting. Ouais. Enfin, aucun fauteuil ne s'est retourné. Bon, j'ai été viré à peine, avant de franchir la porte. Hein. Ouais. Et avant Bercy, s'il y avait un entre-deux, là, en ce moment, est-ce qu'il y a des choses qui sont en préparation pour le printemps, pour cet été, des choses que t'as envie de partager aussi? Alors oui, je vais faire un concert de lancement, normalement, on espère. Ouais. On croise les doigts. Ça sera repoussé, on le fera, c'est sûr. Mais c'est juste que avec le Covid, on n'a pas vraiment de date. Mm-hmm. Voilà, c'est pour tous ceux qui justement ont contribué à l'album, à créer cet album. Et voilà, c'est... Et comment dire, ça serait dans Paris. Donc voilà, on espère pouvoir le faire bientôt. Et bien sûr, toutes les infos seront disponibles. Alors, tu as un site internet hein, qui s'appelle amandabourneuf.fr. Oui. Tu as une page Facebook, Amanda ouais. Bourneuf. Tu as une chaîne YouTube, Amanda Bourneuf. Tu as un Instagram. Là, c'est Amanda officiel avec le tiret du 8. Et puis, tu es non, sur... Non, c'est plus Amanda officiel. T'as changé, maintenant c'est Amanda Bourneuf. Eh bah, mais non, mais c'est bien, bah, comme ça, on... bah, comme ça c'est régulier. Bonjour Théo, formidable. Et t'es aussi sur TikTok parce que tu es jeune. Oui. C'est quoi cette. C'est méchant de dire ça. Réflexion des années 50. Mais non, mais c'est très bien, c'est très bien. C'est pas parce que moi je suis pas sur TikTok qu'il faut pas l'être, mais t'es sur tous les réseaux. J'espère c'est cool. que t'es pas sur TikTok Théo, hein, parce que sinon, oh là là. Bah quoi, oh là là. Et oh là là. Mais je fais le parallèle avec. T'as quoi contre les gens qui sont sur TikTok Non, mais on va en reparler tout à l'heure, mais je fais le parallèle avec. Enfin, avec... T'es pas sur TikTok. Oui, je fais le parallèle avec Shawn Mendes qui lui n'était pas sur, sur TikTok à l'époque, il était sur Vine. Oui. Et c'était un peu le même principe hein, sur des petites vidéos de 6 secondes. 5 secondes, 50 secondes, même pas, je crois. Ouais, c'est ça. Il arrive à se faire connaître. On va en reparler tout à l'heure parce que, avec le quiz en fin d'émission, mais on parlera de Shawn Mendes, évidemment, et puis de plein d'autres artistes qui font partie de tes choix musicaux. Et tu le sais, hein, cette émission, c'est la tienne ce soir, donc on va parler de tout ce qui te touche. Avec dans un instant, qu'est-ce que j'en vais aborder, mon petit Teddy? Bah, j'ai plus de micro. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, couper son on micro. A du Alec Chambers avec la cover Torn. Oui, alors ça c'est le titre. Ok. Ouais, mais je sais pas de quel artiste c'est de base. Alors attends, j'ai pas bossé. Non, mais ça c'est pas tout de suite. Avant, on va écouter Amanda avec son titre. Ah bah ouais. Ah bah ça c'est autre non, chose. Mais tu me l'as pas. Tu... Mais bien sûr que je l'ai. Alors là, c'est Amanda Bourneuf et c'est le titre Today. Ah exactement. Veux. Donc ça c'est le premier extrait de ce nouvel album que l'on va écouter sur Indestar. Et après donc on continue cette émission avec tout ce qui touche en termes de pop culture jusqu'à minimum 23h. Émission spéciale Amanda Bourneuf, émission à la maison ce vendredi soir, les amis. Faire attention à leur make-up. J'ai fait que voir leurs amis et faire de l'écologie. Mais le soir, quand tout s'arrête, comme leur mère, elles rêvent du grand amour qu'il est sur elles en les aimant pour toujours. Surtout pas être comme leur père. Mais le soir, quand tout s'arrête, ils rêvent du grand amour. Amanda Bourneuf avec Today. Et c'est aujourd'hui, vendredi, c'est la fin de la semaine et c'est l'émission à la maison sur Indestar. Jusqu'à 23h grand minimum, les copains avec Amanda qui est notre invitée ce soir. Amanda toujours avec nous, ça n'a pas coupé, on est d'accord? Oui. Bon. Non, mais on sait jamais. On sait jamais. Avec toi, bien sûr, on parle de tout ce qui t'intéresse, notamment en termes de pop culture et parmi les choses que tu aimes bien faire en dehors quand t'as le temps, c'est-à-dire en dehors de tes cours, de tes devoirs, de la chorale, des répétitions de concerts et de la sortie d'un album, t'aimes bien lire aussi. Oui, exactement. Et en ce moment, donc, t'aimes bien lire et en français et en anglais, puisque tu lis le dernier Harry Potter en anglais. Alors, ma chère Potterhead, de quelle maison es-tu ? Je crois que je suis de Serre d'Aigle. Et oh, oulala. Oulala. Attention, parce que à la radio, c'est compliqué, hein. N'est-ce pas, Teddy ? Ouais, je suis dans la même maison, mais je voudrais être Gryffondor de base. Mais j'ai pas le choix, apparemment. Mais tout le monde veut être Gryffondor, à part Cindy. Ouais, Cindy et Serpentard, où il fait des bisous. Moi, je veux pas être Gryffondor. Moi, je veux pas être Gryffondor. T'es Poufsouf, toi. Je veux juste pas être dans Harry Potter, c'est tout. C'est quoi cette violence ? C'est vrai. Moi, j'ai pas regardé. Mais oui, mais c'est vrai que Laura a une aversion profonde pour Harry Potter. Mais j'ai pas. Enfin, comment. C'est juste. J'ai pas du tout accroché. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est quand les gens se rendent. Quoi ? Mais t'aimes pas Harry Potter ? Nanana. Quoi ? Du coup, maintenant, je t'aimes l'Angleterre ? Et t'aimes pas Harry Potter ? Ah oui, j'avoue. Non, mais je sais quoi. Et alors, t'as pas le droit d'aimer Queen. T'as pas le droit. Mais c'est comme dire à un Français. Oh, mais t'es français, mais... Tu aimes la baguette et le fromage. Le fromage et le vin. Exactement. Oh mon Dieu. Bah oui, bah c'est logique. Mais oui, c'est sinon ça. T'es pas français. Et t'as pas de béret. J'ai pas de béret. Bah ouais. Ouais. T'es pas français si t'as pas de béret. Ouais. Et moi, petit-fils de viticulteur, et je n'aime pas le vin, c'est triste. Chaque... C'est la vie, on peut... Renégat. Ça se trouve, tous les Anglais n'aiment pas Harry Potter. Mais si. Je suis sûr que Queen sera encore en vie, il adorerait Harry Potter. Alors Queen, c'est pas un... Alors non, mais on va dire à Teddy que Queen, c'est pas un monsieur. Oui, mais un groupe. Sinon, voulez-vous faire... Est-ce que vous voulez vous faire un débat en off et qu'on puisse parler avec Amanda ou ça vous gêne? Non, on te laisse, Audrey, on te laisse. C'est parti. Oui, non, mais c'est parti en live, mais là-bas, c'est elle l'invité quand même, bien non? Bien sûr. Et non, mais donc, on m'agresse, je voulais me défendre. Vas-y. T'as raison, Laura, c'est tout à fait véridique. Donc, Teddy aura interdiction de parler jusqu'à la prochaine annonce, n'est-ce pas, Teddy? Théoriquement, je peux te couper quand je veux, alors. Ouais, bah en plus, voilà. C'est lui qui coupe le micro, ouais. Alors on est mal, hein. Donc bon, eh bien, hein. Je vous laisse vous organiser avec Amanda, donc. pauvre Amanda, bah. Du coup, oui, tu disais, enfin, en parlant off, tu disais être vachement intéressée par la langue anglaise et espagnole. Ça te vient d'où, ça ? En fait, j'ai toujours adoré la littérature, le côté littéraire plutôt que le côté scientifique, puisque je ne suis pas très très forte en scientifique. Et du coup, c'est vrai que je lis pas mal de livres, même pour l'école, etc. Et en fait, ça m'a pris comme ça. J'ai commencé à apprendre l'anglais et l'espagnol. Et c'est vraiment des langues qui m'ont toujours, toujours intéressée. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais en fait, je pense que c'est le côté nouveauté, connaître une nouvelle langue, pouvoir parler d'une autre manière, en fait, d'une autre façon. Et du coup, bah là, j'ai commencé à, comme tu l'as dit tout à l'heure, à lire un livre en anglais et franchement ça me plaît pas mal et aussi j'écoute mes séries sur Netflix en anglais donc anglais voilà, sous-titré français ouais et des fois même j'essaie de retraduire en fait les phrases qui sont en français les retraduire en anglais pour améliorer mon anglais. Nice, très bien. Et t'aurais l'envie de composer en anglais ou en français? Enfin en anglais. Alors, tu l'as déjà fait mais en espagnol pardon. Alors j'ai pas écrit en anglais dans mon album. En fait c'est Today, c'est je sais pas si tu parlais de Today, mais Today du coup en fait le titre il est en anglais et la musique est en française, écrit en français. Du coup voilà. Et sinon oui en vrai j'aimerais beaucoup. En fait je me pose la question de plus en plus. Pourquoi pas écrire dans d'autres langues que le français, ça serait super. Et du coup, niveau littérature, Harry Potter, mais t'es plus fantastique, classique, qu'est-ce qui t'intéresse ? Alors, j'aime beaucoup le fantastique et la science-fiction aussi, ça me plaît beaucoup. Une personne de qualité, donc, ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de lire après Harry Potter, par exemple ? Ou qu'est-ce qu'il y a dans ta pile à lire au pied de ton lit ? Parce que si t'as une lectrice, t'as forcément une pile à lire. Mais peut-être pas de livre. Alors, je réfléchis. De quoi t'as de pas quoi la même pile que non, non, t'es... non t'as pas dit c'est qu'elle avait la même pile. Oui, tu non, m'as non. dit qu'elle avait la même pile. J'ai dit qu'elle avait peut-être un livre de chevet. Oui, c'est ça, pas, mais... Détendez-vous. T'es dit à rajouter j'aime peut-être quoi, qu'elle a une pile de livres, mais pas de lit, c'est pour ça. Voilà, c'est la vanne, elle était là. Comme la princesse au petit pois, tu veux dire? Ouais. Bref, pardon, Amanda. Du coup, j'aime beaucoup La voleuse de secrets. Je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment un livre bon que choix. J'adore. Bien sûr que si, elle connaît. Ouais, j'adore énormément. Bien sûr que si, elle connaît. T'évites d'agresser les invités, s'il te plaît. Non, c'était plus un petit clin d'œil pour toi. Elle connaît tous les livres. Cite un livre non, au hasard. Elle connaît pas tous les livres, mais la dame. Calme-toi. Tu mens. Et les youtubeurs. Oui. Les livres et les youtubeurs. Mais calmez-vous, laissez-la parler, nom de Dieu. Oh là là là là là là. Et sinon, du coup, je disais, j'aime beaucoup Girl Online. Online, yeah. Et oui, j'ai vu que t'aimais beaucoup les séries du genre Riverdale ou Gossip Girl. Est-ce que tu as regardé Bridgerton? Non, je connais pas. C'est pas grave, c'est pas grave, t'as rien raté. Mais c'est un mélange. Non, bah si, bien sûr non, que si, non. Arrête. Oh, mais non. Oh, l'erreur. C'est pas parce que t'aimes pas. En fait, si ça me dit quelque chose, c'est pas. Oui, c'est sur Netflix. Eh bien, c'est un mélange de Gossip Girl. C'est dans les années, je sais pas combien, mais c'est. Ouais, au 18e, 19e, ouais. Ouais, clairement. C'est. Ouais, c'est à l'âge de Daniel. J'ai pas tout. C'est luxe, et des... c'est luxe et décadence au pays des Gossip Girl de... d'il y a longtemps. Et franchement, si t'as l'occasion de le regarder ou de lire les livres, parce que ce sont des livres avant tout, c'est vraiment très sympa. Franchement, bah, je te le conseille. Et sinon, moi, je te conseille aussi Les Demoiselles du Téléphone. Oui, c'est vraiment bien sûr. Incroyable. En plus, oui, Los Chicas del Cables, qui est donc une série espagnole. Oui. Et dans ces univers-là, si tu adores tout ce qui est un peu secret, Seconde Guerre mondiale, tout ça, t'as les excellents livres de... Alors, je vais trouver l'autrice, mais le livre s'appelle All Clear. C'est un diptyque et franchement, de Connie Willis, voilà. All Clear de Connie Willis, qui est vraiment une autrice anglaise absolument incroyable, où ce sont donc des gens qui voyagent dans le temps, puisque ce sont des historiens, et qui vont se retrouver pendant la Seconde Guerre mondiale, un peu bloqués, oups, dont une des protagonistes vit dans un magasin de mode, et donc va suivre tout ce qui se passe dans la mode, dans les affaires, de tout ce qui se passe pendant la guerre, les tickets de rationnement, tout ça, et c'est super chouette. Oh là, je te le recommande. Ah bah, j'irai voir. Beaucoup. En off, si tu veux, je pourrais te recommander une liste entière de livres sans aucun souci. Et là, t'es là jusqu'à demain matin, Amanda. Oui, bon, sans doute même plus. C'est pas grave, hein. Mais oui, du coup, évidemment. Et est-ce que tu t'es déjà imaginé écrire tes propres livres? Oula. Alors, non, c'est. Elle écrit des chansons. J'aime beaucoup lire, mais c'est vrai que. Non, franchement, je préfère largement. Enfin, j'ai jamais essayé, en fait, mais. Non. Ouais, tu t'es jamais prêté à l'exercice littéraire ça chez toi. Les paroles, c'en est déjà un, tu vas me dire. Ouais, bah oui, c'est autre chose, mais ça se rapproche. Après, on n'est pas obligé d'écrire dans une chanson tout un tas de phrases, mais de détails. Oui, clairement. Ouais, mais par contre, il y a une recherche d'efficacité dans la chanson, de jeu de mots, de rimes, évidemment, aussi. Enfin, voilà, c'est un exercice qui s'apparente aussi. Je mets plus ça en parallèle avec un poème, en fait. Une chanson. Ouais, mais c'est un exercice d'écriture quand même. Ah, mais bien sûr que c'est un exercice d'écriture. C'est tout à fait différent. C'est un exercice d'écriture, mais tout à fait différent. Ah, bien sûr. Audrey, est-ce que d'autres questions ? Sur la littérature? Non, des conseils, on en aura plein en off, il n'y a pas de souci. Ouais. sur la littérature, je félicite Amanda d'avoir le courage de lire en anglais, parce que c'est extrêmement dur quand c'est pas ta langue native. C'est vrai. Mais sinon, peut-être, Théo, voudrais-tu ah ouais, moi, j'ai une reparler question. De Shawn Mendes? Alors oui, on va en parler de Shawn Mendes dans un instant avec tes autres artistes préférés et puis des petites anecdotes croustillantes. Mais une question de littérature, quel est le pire livre que t'as dû lire, j'imagine pour l'école, mais que t'as dû te taper, que ce soit au collège ou là au lycée? Je sais pas du tout en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils aiment pas du tout les livres du lycée, etc. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé. Enfin, en fait, c'est pas forcément aimé, mais c'est... Mais ça tu peut n'as être, jamais jeté contre un mur. Voilà, exactement. Non, on respecte les... Je dirais peut-être Racine, c'est Phèdre. Parce qu'en fait, ça m'a un peu énervé le côté alexandrin, pardon. Ouais. De devoir lire plein d'alexandrins au fur et à mesure, mais franchement l'histoire est pas mal, donc je sais pas. C'est vrai qu'en exercice d'écriture par contre c'était super hein, de tout écrire en alexandrin, mais oui, je comprends que ça peut être gonflant à la longue, au bout de 200 pages t'en as marre des alexandrins. Ouais. Ok. Mais bon, ça reste un livre très très beau quand même à lire, parce que c'est quand même Racine, donc... Ouais, je veux dire, quand t'as des racines, après, l'arbre prend. Non. Il l'a fait. Il la prépare depuis des mois. Le pire, c'est que c'est de l'impro. Alex Chambers avec la reprise de Thorn. Alors, petite information d'ailleurs sur cette chanson, parce que je le dis à chaque fois que je la passe, mais beaucoup ne le savent pas. Et j'en profitais pour te poser la question, Amanda. Est-ce que tu sais de quel artiste vient le titre Thorn? C'est la chanson Nothing Will a Turn. Nathalie, je sais plus comment. Imbruglia. Et ben en fait, c'est la version qu'on connaît le plus. La version de Nathalie Imbruglia qui est sortie en 97, mais c'est pas la version originale. Alors, c'était une reprise en fait, cette chanson, une reprise d'un groupe qui s'appelait Enna Swap, qui a sorti donc la chanson quelques années seulement avant. Ça devait être 93-94. Qui ressemblait à la version de Nathalie Imbruglia, un petit peu plus rock et puis un petit peu plus underground hein, dans le principe, mais ça a été popularisé par Nathalie Imbruglia. Donc là on écoute la version d'Alex Chambers sur Indestar, et on va parler de quelques-unes de tes références musicales dans un instant. Et 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Et notre invité ce soir, en ce vendredi soir, c'est Amanda Bourneuf qui est avec nous via les réseaux sociaux, via le Discord qui fonctionne à merveille. Donc tout se passe bien avec tout le reste de l'équipe Indestar, c'est-à-dire Daniel, Teddy, Audrey, salut, Laura et toute l'équipe, c'est-à-dire au complet, parce que vous êtes là aussi ce soir et on vous en remercie. On va parler musique, on va reparler musique avec toi Amanda, et j'ai ouï dire que tu aimais Vianney, Shawn Mendes, Céline Dion, Slimane, Camila Cabello, tous ces artistes. Donc j'ai été enquêté pour trouver des infos, alors que tu connais potentiellement ou pas, hein, tu vas me dire, et d'ailleurs tu pourras rajouter à mes propos des informations complémentaires, mais des choses qui sont de l'actu people. L'actu people, voilà. Enfin, ça peut être de l'actu d'il y a 3 ans, attention. Hein. Ouais, alors, parce que bon. Juste du people tout court. Oui, c'est du people tout le court. Temps qu'ils réagissent, il y a des fois. Shawn Mendes est né le. Ah voilà. Il est né déjà. Il est chanteur, incroyable. Wow! Ça, c'est de l'actu. On va commencer par Vianney. Vianney, alors on le connaît, Vianney, avec toutes ses chansons, mais quand il est pas là, mais il est où? Eh bien, il est en road trip à vélo. Parce que... Ouais, ça, je le savais. Ah, tu le savais. Ouais, Vianney. Ouais, il fait le tour. Il adore le vélo, Vianney. J'allais dire Shawn Mendes, pas grave. un peu trop de Shawn Mendes dans ta vie, je crois. Avoue, Amanda, que t'as un poster de Shawn dans ta chambre. Dans ta chambre. Alors, même pas, mais peut-être qu'un jour, parce que j'adore. Oh. C'est un rêve. Son fond d'écran, par contre. Ah oui, le fond d'écran, évidemment. Parce que le poster, c'est démodé, maintenant. Non, mais oui. L'écran est tellement grand que ça fait le poster. Vianney aime taquiner la pédale, faut le dire, et assez pour aller jusqu'à Stockholm en Suède l'année de ses 21 ans. Mais il est parti d'où? Il est parti de France. Pardon? C'est il y a longtemps, ça, c'était... Ouais. Il avait 21 ans, ouais, à l'époque. Et en fait, il est parti, il avait pas d'argent, avec un vieux vélo des années 50. Donc il avait pas de quoi louer un hôtel, il dormait à la Belle Étoile, et il est arrivé forcément exténué là-bas. Mais il était content, hein, Vianney, parce que c'est là qu'on reconnaît les vrais sportifs. En une traite. Alors, contrairement à Théo. Ah non, mais moi, je... Non, alors moi... Déjà, La Rochelle déjà, en vélo, c'est pas à 100 mètres au bout de sa rue, alors... Déjà, pour aller à la boulangerie à 50 mètres, je prends la voiture, donc... hein. Non, pas à Stockholm. Stockholm en voiture, si, il n'y a pas de problème. Ah bah, à Stockholm en voiture, il n'y a aucun souci. Shawn Mendes, il est là. Oui, j'ai une info sur lui. Hey. Donc, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui s'est fait connaître via l'application Vine, donc qui permettait de faire des boucles de 6 secondes. Je fais un petit peu le parallèle avec TikTok, alors c'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que l'idée de faire des vidéos comme ça hyper courtes où on se dit, enfin c'est vrai que quand on voit ça de loin, on se dit bah ouais, c'est, mais pourquoi on fait pas plus long en fait, pourquoi pas YouTube dans l'idée, mais comme quoi c'est pas la taille qui compte, parce que en fait en 6 secondes il a réussi à capter les oreilles d'un certain Andrew Gertley. Oh, vraiment. Il a réussi à placer Théo, ça quand c'est même. C'est vraiment nul. Hein. C'est vraiment nul. Il a écouté justement sur la chanson Say Something de je sais plus qui. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Voilà, tu veux pas faire l'inverse, Amanda? Tu veux pas apprendre des trucs un peu neufs à Théo? Mais non, mais c'est... De ses vieilles sources pourraves. Elles sont très bien, mes sources pourraves. 2014, c'est pas si vieux. C'est et juste les vannes qui vont avec qui sont vieux. Bizarres. Tu te moques de moi, on est en 2021. Non, mais j'ai pas de temporalité. Écoute, j'ai 1950, dit... c'est plus vieux. Non, mais attention. Le 19e siècle, c'est plus vieux. J'ai aussi. Pas dit que c'était. J'ai pas dit que c'était des infos récentes. Amanda, aide-nous, Audrey, s'il te plaît. Nous des infos toutes fraîches, parce que là. Audrey, j'ai pas dit que c'était des infos récentes, j'ai dit que c'était des infos rares. Voilà. Et grâce à cette influence. Mais non, elle les connaît tous. Eh ben tant mieux, mais parce que forcément elle adore Shawn Mendes. Bah voilà, Daniel ne connaît pas. Et grâce à cette influence donc de Andrew Gartley ou Gartler, Shawn Mendes, il a pu signer après avec le label Island Records. Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'est lancé, que sa carrière fut lancée. On va parler de Céline Dion et ses problèmes de dents. Parce que oui, Céline Dion a eu des problèmes de dents. Bah elle est vieille maintenant. Hein. Alors alors là, on va remonter dans les années 80. On est en 87 et en France, on avait Vanessa Paradis qui cartonnait à l'époque avec Joe Taxi. Les dents du bonheur. Alors elle avait les dents du bonheur, mais elle était super hype Vanessa Paradis parce qu'elle avait des vêtements à la mode, etc. Et à côté, Céline Dion, on l'a surnommée même un petit peu. Alors attends, comment on l'a surnommée? Le crapaud. On l'a surnommé Canine Dion. C'est méchant, hein. Oh, je savais pas. Ouais. C'est génial. Voilà. Ouais, c'est vrai, ouais. Pourquoi c'est elle a exact. Des canines très parce tranchantes que, parce qu'elle avait des dents qui partaient un peu dans tous les sens, mais comme beaucoup de gamines, en vrai. Hein. Et donc après, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Elle s'est un petit peu limé les dents, et puis elle est chez l'orthodontiste, mais après, ça s'est fait elle assez naturellement. Elle a mis un appareil, quoi. Comme tout le monde. Aujourd'hui, les dentistes aiment la dentition de Céline, donc tout va bien. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote sur Céline Dion. Canine Dion. Tu sais, je croyais que c'était une petite ref, nos deux canines là, genre à déchirer de la viande. Ah ouais, genre elle va déchirer le marché de la musique. J'aimerais trop voir Céline Dion faire ça. Mais c'est ce qui s'est passé, hein, parce que dès son premier album, elle a cartonné Céline Dion. Et une autre anecdote d'ailleurs sur Céline que j'ai pas écrit, mais son producteur, donc René, à l'époque. C'est son mari. Oui, alors ça a été son mari et après. Il est mort. Mais il est mort après, oui, d'accord. Mais à l'époque, il croyait tellement. C'est pas une info récente. Hein. Non. Non, non, non. Mais il croyait tellement en Céline Dion qu'il a hypothéqué sa maison pour lancer la carrière de Céline Dion. Ah bah. Tu vois, comme quoi, enfin vraiment, il misait à tout. Ça, je le savais aussi. Ouais, hein, c'est fou, hein. Tant mieux, hein, mais de tout miser comme ça sur une artiste. De toute façon, la prochaine info qu'il va donner, tu l'auras pas. Ah, on sait pas. Je sais pas. J'ai parlé de Slimane qui a écrit la chanson Papa Héros un petit peu sous la pression. Alors je vous explique pourquoi, parce qu'en fait il avait repris à l'époque dans The Voice en live le titre Les yeux de la mama de Kenji Chirac, qui avait beaucoup ému sa mère, hein, à l'époque, et elle avait pleuré tout ça, sauf que ça avait rendu un peu son père jaloux, parce qu'il s'est dit pourquoi pas moi. Donc en fait il a été obligé obligé, c'est un bien grand mot, mais il a voulu rendre hommage aussi à son père, il a mis les bouchées doubles pour mettre en fait dans la chanson Papa Héros du grand, du aimant, du rassurant, du qui a su l'accompagner et faire de lui un homme, un artiste, bref, du bon caressage dans le sens du poil, mais ça lui a plu ou papa, voilà. Moi ce que j'attends, c'est de savoir si Amanda avait l'info ou pas. T'avais l'info, ça va. T'avais l'info, Amanda? Non, cette fois-ci, j'avais pas l'info. C'est vrai que j'écoute plus Slimane sur le côté musique et pas forcément histoire. Ouais. Comment dire, information sur lui. Ouais, bah, on va dire, c'est la première fois que Théo dit quelque chose d'intéressant. Ah, là. Je termine. Ah, il a réussi son challenge. Hein. Je termine par Camila Cabello. Camila Cabello, pardon. Qui a ses faiblesses. Alors, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux, sur son Instagram, où elle poste des photos de stars, hein, tout simplement. Mais elle a aussi des moments d'anxiété. Et elle a eu des troubles obsessionnels qui l'ont rendue malade. Hein, elle a pleuré. Non, pas à ce moment-là. Mais son corps faisait un peu et tout et n'importe quoi jusqu'au moment où elle a appris à vivre avec et à se dire que c'est ok d'avoir des faiblesses et maintenant ça va beaucoup mieux parce qu'elle a appris à les contrôler. Donc maintenant elle a de l'humour, elle a de la joie, de la bonne humeur et avant elle avait pas d'humour. Si, mais disons que pendant une période d'anxiété, ton humour il est plus là, quoi. Voilà. Bon, et en plus elle a l'argent qui fait son bonheur. Mais non, mais tout ça pour dire et notamment pour toi aussi Amanda, hein, mais que c'est vrai que quand on est artiste, on a tendance à voir la face artiste, hein, que ce que les gens voient, mais on a une part. On voit pas le sachet de poudre blanc. Quoi ? Non, mais une part d'humain aussi qui est en nous et qui est des fois pas facile à dévoiler parce qu'on se dit oui, mais faut que je sois à la perfection parce que mon image publique, etc. Mais alors, on a tous nos faiblesses et Camila Cabello, elle l'a caché pendant longtemps et bon, finalement, elle a fini par l'accepter parce qu'elle avait plus le choix en fait. Elle s'est dit de toute façon, ça me rend malade, donc il va falloir que je l'assume, quoi. Oh. Elle a eu totalement raison. C'est comme mon pain, c'est la perfection. Oui, très bien. On va parler boulangerie hors antenne. Et on va écouter de la musique. Hein. On a la grande table. Ah mince, on va se remettre à table. Avec New York Ted sur Indestar dans cette émission à la maison spéciale Amanda Bourneuf ce soir, vous l'avez compris. On continue d'en parler et jusqu'à 23h minimum. Et on terminera par le quiz à la fin de cette émission pour jouer ensemble. Et 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Émission à la maison spéciale Amanda Bourneuf qui est notre invitée ce soir avec nous dans cette équipe d'émission à la maison pour terminer la semaine sur Indestar. Et on va se replonger un petit peu plus loin avec Daniel en parlant de la comédie musicale Starmania parce que Amanda, donc sur ta chaîne YouTube, tu as fait différentes reprises dont une reprise du monde des Stones. Starmania. Exactement. Oui, exact. Et justement, je l'ai écouté et sincèrement, j'ai été très étonné parce qu'au-delà de la performance vocale qu'il y a besoin pour cette chanson, c'est d'abord l'émotion qu'on fait passer. Émotion, je l'ai ressentie. Et la première chose que j'ai été faire... C'est beau, Daniel. Comment ? Non, il dit que c'était beau. Ouais. C'était beau. J'ai presque envie de verser une petite larme, là, tu vois. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller écouter la première interprète, Fabienne Thibault. Ouais. J'ai pas trouvé beaucoup d'écart sur les sensations. Mm-hmm. Et j'ai continué, comme il y a beaucoup d'interprètes qui l'ont connu célèbre, qui l'ont interprété. Après, j'ai écouté la version de Morane. Oui. Elle l'a pas chantée longtemps dans la comédie musicale, mais elle l'a chantée. Et puis après, comme il y a une version anglaise, j'ai écouté la version anglaise avec interprétée par Cyndi Lauper. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait une version anglaise. Oui, oui. Et là, j'ai eu une petite idée. Donc, et on s'est dit qu'avec l'équipe d'Indestar, on allait te faire un petit cadeau. Tu te l'as dit tout seul. J'assume pas. Tu te l'as dit tout seul. C'est ta propre initiative. Voilà. Non mais voilà, je partage, moi je prends pas tous les lauriers pour moi. Il t'a rendu un hommage. Alors qu'est-ce que t'as fait, Daniel? Voilà, donc c'est fait avec ton moyen, donc une petite radio, mais j'ai fait un mix des chansons. Ouais. Et que Teddy va te passer, donc. Alors tu veux dire entre la version originale et la version d'Amanda? Voilà, il y a la version d'Amanda, il y a un mix, il y a Fabienne Thibault, il y a Morane, il y a Cyndi Lauper et il y a Amanda qui est dedans. Et à un moment donné, Amanda, tu verras, je t'ai un peu mis en vedette dedans. Alors, trop gentil, merci. C'est fait, je te le dis, c'est fait avec, je m'en répète, c'est fait avec les moyens dont on dispose, donc c'est pas... Tu nous as fait ça avec un Audacity, quoi. Voilà, on a essayé de faire au mieux. Si t'es prêt à appuyer sur le bouton, si t'as envie... Je vais lancer ce fameux match-up du monde et Stone. Et je coupe tout le monde, comme ça on peut prendre plus. J'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir. m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui fais du cinéma, qui fais mon cinéma. Imaginez un concert où il y a tous ces artistes en live avec notre apprenti DJ Monsieur Daniel DJ Dada, tu sais. Ça y est, un nouveau, une nouvelle vedette est née. Hein. On fera un bas spécial une autre fois, hein, les gars. Oui, hein. Oui, oui. D'accord. Là, ce soir, c'est Amanda Bourneuf quand même. J'ai pas y piqué la vedette. Hein. Et puis toi, on la prend entre 2h et 4h du matin plutôt. Tu vois. D'accord, ça marche. La violence rendez-vous. D'un homme se veut dire dans ses paroles. Donc, bah, vous avez pu remarquer, Amanda a été très bien accompagnée, je dirais, par Fabienne Thibault et Morane. Mm-hmm. Et j'ai trouvé que tu n'avais absolument pas à rougir de ta version, même si elle n'est pas complète, oh, elle dure moins d'une minute sur YouTube. J'ai trouvé que tu avais une version, quand même, une interprétation assez formidable. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Si tu veux, on essaiera de te fournir, même s'il n'est pas terrible, ce mix. Hein. Alors, Starmania, tout le monde connaît Starmania. Est-ce non. Que je vais pas. Alors, non, pas Teddy, pas Teddy, évidemment. Bah non, je suis Teddy, je te rappelle. Je suis boulanger, moi, pas musicien. On a le Teddy. Ah ouais. Ah, c'est pas Teddy, c'est le Teddy. Évidemment. Ah, c'est vrai, hein. Rappelle-nous brièvement, en 15 secondes, qu'est-ce qu'est Starmania. Alors Starmania, c'est une comédie musicale qui met en vedette le chef d'une bande de, bah, je vais dire tout simplement de loups. Johnny Roquefort. Johnny Roquefort. Et dont oui. Le premier a été interprété par Daniel Balavoine. Ça y est, ça fait 15 secondes. Tout à l'heure, justement. Et avec donc, toute une galerie de personnages, dont une chanteuse automate qui chante Stone. Et ça a été un succès absolument international. Et ça a été beaucoup repris en chorale, car moi-même, je l'ai chanté à la chorale. Est-ce qu'on peut résumer ça à une comédie musicale? Bah ouais. C'est une comédie musicale. C'est pas mal. Quasimodo, enfin Notre-Dame de Paris, ça en est aussi une. Non, Roméo et Juliette, moi je préfère. Oui, il y a aussi non, mais il y en a plein. Ouais. Mais c'est très alors, bien. C'est une comédie musicale. Oui, pardon. Pardon, non, je demandais à Amanda, tu l'as, t'as eu la chance de voir une interprétation de Starmania ou Non, pas du tout. Bah, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est à l'occasion de voir une captation avec justement Balavoine et tout ça. C'était alors les costumes ont mal vieilli sur 20 parce que c'est dégueulasse. Mais alors, par contre, le thème, le tout, et puis ouais. Si ça fait 40 ans qu'il est mort, c'est peut-être logique. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Les jeux de mots, le marlou qui s'appelle Johnny Roquefort parce qu'il fait du rock et qu'il a tout cassé. Wow! Ah ouais, mais c'est Joe qui a trouvé ses surnoms. Non, mais Michael Young l'a fait avant. Non. Par contre, moi, j'allais demander à Amanda si elle connaissait d'autres chansons de la comédie musicale. Parce qu'il y en a quand même plusieurs qui sont célèbres. SOS Enfer en détresse. Que j'ai pu reprendre aussi sur YouTube. Ouais. Il y a le chanteur automate, je crois. La serveuse automate. La plainte de la serveuse automate. Ouais. Qu'y a-t-il d'autre encore quand on arrive en ville. Ouais, alors celle-là, oui, avec. Oui, vraiment, le loulou, la bande de loulou. Il y a Ziggy aussi, je crois. Ah, Ziggy, ben oui. C'est Hélène. C'est un garçon pas comme les autres, le titre. Ouais. Chanté par Céline, incroyable. Ouais, il y a aussi Besoin d'amour, chanté par France Gall. Ouais. Mmh. Il y en a beaucoup, hein, franchement, c'est des bonnes chansons. Les uns contre les autres que Morane avait beaucoup repris à une époque également. Quand t'étais jeune, n'est-ce pas, Daniel? Oh, j'étais déjà vieux, j'avais l'âge de Théo à ce moment-là, je crois. Quelle année la sortie de Starmania la comédie musicale 1979. Non, combien 79 ou 78? Attends, ah, ça... j'ai un petit doute là. Okay. 79. Ah oui, j'aurais... 1979. Ah d'accord, ok. Ah oui, j'aurais pensé début des années 80, moi, plutôt. C'est terrible de voir que les chansons n'ont pas vieilli, ouais, c'est exactement ça. Genre. Voilà. C'est terrible que les sujets soient toujours d'actualité. Alors, vous savez que j'aime bien chercher des petites anecdotes, quand même. Alors, l'idée de Starmania, dans la tête de Michel Berger, est née, en fait, en 1974. Ah ouais il avait été marqué... La place. Oui. Et il avait été marqué par, entre autres, l'histoire du syndrome de Stockholm, avec la possibilité, comme il y a dans Starmania, avec la jeune fille de bonne famille qui se... Fait capturer, mais c'est quoi le rapport avec Stockholm? Non, le syndrome de Stockholm avec le fait que tu tombes amoureux de ton ravisseur, ça, otages, je suis d'accord. Que vous sympathisez avec les oui, que tu tombes amoureux de ton ravisseur. Très bonne, très bonne histoire sur Affaires Sensibles, qui raconte l'histoire de comment s'est créé le syndrome de Stockholm, hein, d'ailleurs. Voilà. Alors, autrement, il y a des petites, quand même, des petites anecdotes qui ne sont pas obligatoirement connues. Michel Berger, tout le monde sait, sauf Teddy, pardon. Merci. Alors, qui est Michel Berger? Je dois connaître des musiques de Michel Berger, mais bon, il y a tellement de Michel en France. Il y a la chanson des boutons. Un type qui n'arrêtait pas de bosser, alors que Luc Plamondon, lui, c'était, il aimait passer son temps. C'est pas qu'il travaillait pas, mais il avait besoin aussi de faire la fête, de s'aérer, contrairement de sortir à Michel de la montagne. Berger, qui, lui, voilà. Alors, Michel Berger, un jour, en a eu marre. Il l'a enfermé dans son bureau et il a dit : tu ressortiras que lorsque. T'auras produit Starmania. T'auras écrit une chanson. D'où le syndrome de Stockholm. Peut-être. Alors, Amanda, s'il te plaît, ne séquestre pas tes co-auteurs chez toi. C'est pas la bonne technique, hein, vraiment. Ne séquestre pas le c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et cette fois-là, il a écrit les uns contre les autres, cette fois-là. Ah, ok. Voilà. Alors, c'est par contre, Luc Plamondon avait exigé qu'il y ait autant d'artistes québécois que français. Ouais. Alors, il faut savoir que François Mitterrand était un grand fan de Starmania. Incroyable. Ah, il chantait bien ? Non, je déconne. J'arrête. Mais c'est parce qu'il était amoureux de France Gall ? France Gall n'était plus là à cette époque-là. Ah oui ? Ah bah tiens, ouais, ça me fait penser à un truc à propos de France Gall. Il se trouve que la première fois que j'ai écouté une de tes musiques, Amanda... Ah oui, c'est vrai. C'est ton titre Tu voudrais. J'ai commencé par lui parce que j'ai écouté pas mal de tes musiques. Je voudrais. Je voudrais. Ah bah ouais. Allez, c'est bravo. Parce que allez, tu voudrais, mais... ça fait plaisir. J'assume totalement, je suis très mauvais. Amandine, Tu voudrais. Amanda, tu as droit. Zéro. Le seul du disque. Zéro respect durant cette interview. Hein, mais on va noter. Mais si, tu as tout mon respect. C'est juste que je suis très nul en musique et même en mots, alors bon. Mais la première chose que j'ai pensé, c'est ton timbre de voix. Il me faisait penser à quelqu'un, une artiste française que je sais pas qui c'est, mais enfin, ça me disait quelque chose. Et j'ai demandé à Théo, il m'a dit ouais, c'est France Gall, l'artiste que tu cherches. Ouais, et c'est vrai, dit ça. Je que tu ressembles à Louane. C'est surtout le côté, je pense, parce que je voudrais. Bon, c'est alors, moi je l'ai trouvé très bien dans Le Monde est Stone. Ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, dans la chanson Je voudrais, quand il m'a dit ça, j'ai fait oui, France Gall, et on a écouté la chanson Résiste après, et c'est vrai que. T'as un timbre assez similaire. Et il y a même autre chose qui m'a choqué, parce que j'ai regardé le clip aussi en même temps, et j'ai vu tes cheveux. Avec quoi? Incroyable. Et alors, une personne avec des cheveux. Ouais. Il est chaud. Non, alors c'est pas le temps, le fait qu'elle ait des cheveux. Tes cheveux, ils sont vachement longs quand même. Alors je ne suis pas ce cheveux. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a un message derrière où tu les as pas coupés depuis longtemps? Enfin, tu veux pas les couper, tu veux les garder. C'est ta marque de fabrique. Je me coupe les pointes, mais là c'est vrai que après le clip, je les ai un petit peu coupées, mais c'est pas beaucoup quoi. C'est vraiment pas beaucoup. Plus. Puis juste les pointes et c'est tout quoi. Donc je suis déçue. J'aime beaucoup les cheveux longs. En fait, c'est un peu comme ma mère. C'est comme si elle parlait, mais en fait le son ne. Non mais elle parle. On l'entend nous. Ah non, on l'entend. Il y a que toi, Laura, qui ne l'entend pas. Je l'entends pas non plus. Ah ouais. Ah. Donc oui, là, t'as coupé un peu tes cheveux, et... mais c'était un peu ta marque de fabrique. Oui, ou mais non, non, mais c'est normal parce que les pointes, c'est pour que ça repousse après. Oui, voilà. Une technique de coiffeur. Non, mais arrêtez de te psychoser sur ces cheveux là. Genre, alors... si ça te manque, tu te fais pousser une tresse et puis c'est tout. Oh là là là, là, c'est plus veux, hein. Non, moi aussi, je me fais couper les pointes en ce moment. Donc, hein, c'est comme j'ai vu autre chose. J'en ai pas parlé pendant l'interview, mais tu as fait aussi un. Les garçons, faites un chit-chat make-up, hein, et on en est là. Hein. Mais justement. Attends, elle a fait un tuto make-up avec Hélène, je crois. Oh ouais. C'est ça, j'ai adoré. Ouais. Alors j'ai pas réussi parce que je suis mauvais, mais mais c'était génial. T'as essayé? Sérieux? Oui, à moitié. Oh là là là là. J'ai mis de la crème hydratante et puis après j'ai arrêté. Quoi. Bah non, Teddy Chou, il faut continuer. Ouais, mais bon, vous connaissez mon goût pour le travestissage, donc bon. Oui. Bah le je le fais pas tous les jours. Le travestissement, oui, mais je m'en fous. On n'est pas ça après, hein. Ouais, clairement. Bah, c'est tellement tard que... Bon. Je l'ai fait assez souvent dans ma vie, donc je suis pas obligé de le refaire tout à chaque émission. Donc, non, mais c'est bien, je prends soin de toi. Plaisir. Mais bien sûr, mais pas tout le temps. Voilà. Il me faut une maquilleuse, moi, pour le faire. C'est... Ah ouais, non, mais... Oh, ah ouais. Pardon, monsieur a besoin d'une maquilleuse. Exactement. Attention. T'as pas des conseils à lui donner, Amanda, par exemple? C'est pour ça que Théo, il est là. C'était pour maquiller Teddy ce soir. Ah non, ah non. Alors non, clairement autant, pas. Autant il a un côté artistique musical prononcé, autant pour le maquillage... Non, fait ça de ma vie, moi. Non, alors j'ai quand même aussi... ça vous dérange pas que je parle un peu de Starmania, éventuellement? Bah, un petit peu, non. Maintenant que tu le dis, ça serait pas mal, ouais. Ça vous dérange pas, hein, je peux y aller. Vas-y, Daniel. Voilà. Non, il faut savoir qu'à l'origine, France Gall, d'ailleurs, tout comme Diane Dufresne, ne devait pas faire partie de la première version de Starmania. Ah ouais? Mais les producteurs ont dit, s'il n'y a pas de vedette, il n'y aura peut-être pas de spectateurs, donc pas de vedette, pas de sous. Ouais, pas faux. Voilà. Alors après, France Gall, une fois présente, c'était, attention, la femme de Michel Berger, donc la femme du patron. Mm-hmm. Donc elle se permettait de venir quand elle voulait, d'assister aux répétitions quand elle voulait. Faisait ah, il y avait du favoritisme. Voilà. Et Daniel Balavoine l'avait surnommé le commandant France Gall. Ah carrément. c'est pas très, ouais. C'est pas très gentil. c'est pas un compliment, quoi. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant toujours de Daniel Balavoine, Diane Dufresne n'a pas arrêté de le charrier, de le rabaisser en lui disant qu'il chantait beaucoup moins bien qu'elle. C'est vrai que bon, Diane Dufresne, si tu le vois... Oui, enfin, Daniel Balavoine chantait très bien et montait aussi très haut dans les aigus, etc. Quand même. Oh, oh, oh, et... oh oui, non, mais quand même... Et un soir, alors je passe tous les détails, un soir, il a demandé à Fabienne Thibault, est-il vrai que les Français chantent moins bien que les Québécois? Quoi? C'est quoi cette question? Pourquoi? Ouais, non, il a demandé, il était tellement choqué par l'attitude de Diane Dufresne, ah ouais, qu'il a demandé donc à Fabienne Thibault, une autre québécoise, est-ce vrai que les Français chantent moins bien que les Québécois? Donc, bah, je sais pas, Calibre. Non, pardon, c'est bon, j'arrête. Bientôt, je l'aurai, cet accent, vous. Oui. Enfin, non, oui. Mais peut-être. Peut-être que Teddy partira un jour au Québec. Donc, effectivement, si c'est le cas, tu l'auras. Oui. Ouais, je dirais du caribou à Il ira qu'on se mangeait du sirop d'érable. Et, évidemment. Et c'est de la poutine aussi qu'il mange là-bas. Ah, je mange pas de Vladimir Poutine. Rien à voir. Non, mais la recette pommes de terre, crème fraîche, fromage. Ouais, mais ça pourrait être une offense au président russe, du coup, je vais éviter. Mais ça s'appelle la poutine, c'est pour ça. Ouais, parce qu'il doit y avoir une histoire, j'imagine, là-dedans. Je mangerai du calibou. Ah, oui, sûrement. Genre sûrement. Une russe qui a ramené ça en cadeau, en offrande, et puis l'ont appelé comme ça. Enfin, vous êtes tellement occupé à parler de plein de choses, je crois que je vais arrêter de parler de Starmania. Non, mais c'est très bien, Starmania, mais peut-être une dernière anecdote, si tu veux, Daniel. Éventuellement, attends, je regarde dans ce que j'ai. Attends, il n'en avait plus, en fait. Ah oui, il y a quand même, un peu moins marrante, mais à relever. Alors, pour la mise en scène, ils avaient pris le meilleur, le boss, le dieu de la comédie, de la mise en scène de la comédie musicale de l'époque, Tom O'Horgan. Il avait notamment mis en scène R et Jésus-Christ Superstar. Mais les relations entre le staff, les interprètes étaient tellement conflictuelles qui a 3 jours de la fin, Berger et 3 jours pardon de la fin, 3 jours du de la première, Michel Berger et Luc Plamondon ont viré le metteur en scène, ils en avaient strictement, ils en avaient marre, plus personne pouvait. Ah le... ouais. Ah, ah mais c'est chaud. Donc projet sans voilà. metteur en scène, c'est un peu compliqué en vrai. Et donc c'est le l'assistant qui au PNV a Ah, il a monté en grade, il a upgradé. Ah, là. Bah tu m'étonnes, lui c'était une promotion pour lui. Oui. Ah, ah là, là. Ok. Ah bah en tout bon cas, anecdote. Non mais ça, ça en fait de toute façon Starmania une comédie musicale qui a traversé les années. La preuve, nous. Bon alors non, moi je passe sur Teddy parce que lui, lui inculte. Mais, si, je connais Roméo et Juliette. Oui, vous pouvez rien dire. Non mais tu vois que ça soit la génération non, mais c'est de Daniel. Les copains à lui, hein, c'est les copains à lui, c'est pas les autres de. Pas vrai ouais. De la comédie du livre. Hein. Et que ça soit la génération de Daniel, celle d'Audrey ou celle d'Amanda, on connaît tous Starmania, donc c'est plutôt cool. Et c'est bien de la remettre aussi au goût du jour avec ta propre interprétation, Amanda. Et voilà, enfin ouais. c'est chouette. Et comme disait Daniel en début, c'est vrai qu'il y a aussi de la performance vocale sur ce titre parce que il est pas du tout évident à chanter. En fait, genre tu le testes en c'est karaoké vrai. Si vous voulez. Ouais. Non, t'es dit. Non. Non, en vrai, si vous le testez en karaoké à la non. maison, vous allez souffrir. Enfin, les, peut-être pas vous, mais vos amis. Je suis sûr que je peux le faire, moi. Oui, et là où j'étais vraiment épaté, c'est réussi avec ses. Je crois que c'est 40-45 secondes. Pendant ces 40-45 secondes, a réussi à faire passer les émotions de la chanson. Et là, franchement, j'ai été bluffé. Il avait la petite larme. Merci beaucoup. Ah ouais, on parle à la petite. Hein. La grosse larme, bah oui, on comprend. Ah ouais, carrément. Il était sous la douche. On va parler série avec toi, Laura, dans un instant, avec Gossip Girl, c'est ça ? Eh oui, Gossip Girl, XOXO. Ah, j'ai écouté le générique tout à l'heure. Seuls les fans comprendront. Mais en tout cas, on va en parler parce que ça fait partie de l'une de tes séries préférées, Amanda. Et puis après, ouais. avant cela, on va partir dans l'espace avec Epsilon, astronaute. On est parti dans l'espace la semaine dernière, mais on peut y aller une fois par semaine parce qu'on est tellement riche. On a le droit d'aller sur Mars toutes les semaines, n'est-ce pas ? Écoutons Astronaute sur Indestar. Parce qu'on est con ou confiné. L'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Et à mon avis, spoiler alert, on va dépasser. Bienvenue sur Indestar si vous venez d'arriver. Si vous avez loupé le début de cette émission, pas de panique parce que dès demain, ça sera disponible en podcast sur toutes les plateformes, que vous soyez sur iTunes, sur Deezer, sur Spotify, sur iPad Addict. À Podcast Addict, voilà, je vais y arriver. Non, mais je vais chercher le nom, hein, puis il y en a encore une quinzaine d'autres. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission. Ce soir, notre invité, c'est Amanda Bourneuf, auteur, compositeur, interprète, qui a sorti son premier album cette année, après un premier EP, et avec elle, jusqu'à plus tard, on parle de tout ce que tu aimes, Amanda, et les séries font partie de ta vie comme de nos vies d'ailleurs dans la plupart des cas et parmi ces séries il y en a une que tu aimes bien, c'est Gossip Girl. And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO Gossip Girl. Et voilà, ça c'était le générique. J'adore. Et oui, mais oui. Mais j'ai une histoire d'amour et de haine envers cette série. Je sais pas comment toi tu le prends, Amanda. Est-ce que vraiment t'aimes cette série à 100% ou est-ce que tu dis pas 100%. Ah, d'accord. Donc je pense que tu. Je pense que. Ah, t'as dit 100% ou 50-50, j'ai pas entendu. 100%. Non, 100%. 100%. T'as bien entendu. 100%. Du coup, si t'es 100% fan, je vais te faire une traduction à peu près de ce générique. Oh, mais où est Serena ? Mais où est-elle ? Qui je suis ? C'est un secret que je ne révélerai pas. Vous savez que vous m'aimez. Bisous, oh là là. Bisous. Gossip Girl. XO, Gossip Girl. C'est nul. La poufiasse qui donne des secrets, j'adore. Moi aussi, je suis fan, ok, c'est bon. Ouais, on est trois. Gossip Girl, en fait, pour traduire c'est pas encore une fille, plus... De C'est la fille à potin. Voilà, c'est ouais. elle qui ouais, fait c'est la potins. Langue de vipère. Ouais. Voilà, ouais. En fait, l'histoire, en plus, ça vient de livres à la base. Spoiler, et ça a été produit en série de 2007 à 2012. Il y a eu 6 saisons, 121 épisodes. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'étudiants privilégiés des écoles de Constance Billard, de St. Jude's, à New York, en plein Manhattan. Donc là, niveau richesse, on est au top du top du top du top. Et en fait, tous ces étudiants lycéens sont accros à Gossip Girl, qui est une mystérieuse blogueuse qui dévoile tous les derniers potins et rumeurs sur leur communauté très fermiale. Non, c'est pas qui c'est. J'ai trop envie de faire le spoiler. Je peux faire le spoiler ? Ça va te plaire. Bridgerton, ça va te plaire parce que c'est exactement la même chose, mais au 18e, et c'est très bien. Genre, il y a une conspiratrice qui délivre tous les potins par journaux interposés, en fait. Elle trop explique bien. Tout et tout le monde lit les journaux en mode mais ça veut dire qu'il y a un bâtard dans la famille ? Oh my god ! Oh my god ! Voilà, des trucs comme ça, j'adore. Bref, et l'histoire de Bridgerton, c'est trouver le meilleur parti parce que. On est quand même au 18e, je crois. Et les filles sont à marier, ils font le bal des débutantes. Et trouver le meilleur parti entre tous les secrets. Oh my god. C'est pas Gossip Girl. Gossip Girl, c'est plus récent. Non, mais Gossip Girl, c'est plus récent, mais c'est pour dire qu'il y a la même idée, tu vois. Ouais. Ouais, c'est trop cool. J'ai trop envie de spoiler la fin. Non. Non, mais est-ce que tu as vu tous les épisodes, Amanda ? Ah oui, bien sûr. 14 fois. J'aime trop. Mais moi, j'ai redécouvert les épisodes il y a pas longtemps, enfin parce que en gros quand j'étais au collège lycée, ça passait à la télé sur la TNT et tout ça, et je regardais les épisodes que par-ci par-là quoi, sans vraiment qu'il y ait de suite. Et là pendant le premier confinement, j'étais en mode mais attends, je veux savoir qu'est-ce qui se passe exactement, parce que un coup il y a Nate qui est avec Serena, un coup Serena est avec Chuck, enfin un coup Chuck est avec machin. Chuck Bass. Et c'est comme Dallas quoi. Peut-être qu'il a jamais été avec Serena. Oui, non, je déconnais quand je disais ça, mais en gros, ils sont quasiment avec les uns avec les autres. Hein. Bah enfin, quand tu fais une mind map de qui a été avec qui, c'est sûr qu'en fait, Chuck et Serena, c'est les seuls à pas avoir couché ensemble. Les feux de l'amour. Pour être honnête, c'est ça, les feux de l'amour, mais version Manhattan. Quoi. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop la série, je vais faire un petit récap assez humoristique, je pense, des personnages. Nous avons d'abord Serena van der Woodsen, qui est la star du moment, donc si vous la suivez pas sur Gossip Girl, c'est que vous êtes un loser. C'est la blonde parfaite aux longues jambes, en fait, qu'on jalouse toutes, hein, clairement. Quand je vois Serena van der Woodsen, je suis en mode, mais pourquoi tu es aussi belle et riche? Pourquoi? On est là en train de te regarder, c'est terrible. Elle enchaîne les scandales, enfin, parce que elle consomme à un moment donné de la drogue, elle a un manque affectif paternel à combler, elle découvre que son père, en fait, il est parti. Voilà, il est revenu ensuite. Sa mère la surprotège de ouf. Sa mère, qui s'appelle Lily van der Woodsen, qui s'est mariée au moins avec 40 hommes, qui s'est séparée. Bon, des fois, ils sont morts, donc il n'y a pas eu les papiers du divorce à signer, ça va. Il y a eu l'héritage. Elle a plein de demi-frères et de demi-sœurs aussi. C'est ça. C'était des séparations forcées, bien sûr. Et à un moment donné, son demi-frère, c'était son copain. Voilà. Perdu. Oh, c'est dégueulasse. Son copain qui s'appelle Dan Humphrey, qui est entre guillemets le pauvre, alors qu'en fait il est pas pauvre, il habite juste à Brooklyn dans un super loft. Ouais, mais son père, il est pauvre quoi. Ouais. Bah ouais. Ah, je veux dire, il y a différents degrés de pauvre par rapport à Serena van der Woodsen, mais en vrai. Par rapport à tous les autres. Nous autres citoyens lambda. Ben voilà, je veux dire, il est pas pauvre quoi. Il vit avec un loft, dans un loft. Enfin, ils vivent dans l'Upper East Side. Je veux dire, s'il n'y a pas plusieurs millions de dollars sur la table, c'est que t'es pauvre, clairement. Bah ouais, mais quand même, il n'y a pas plusieurs millions de dollars, mais on se demande comment le père de Dan Humphrey, qui s'appelle Rufus Humphrey, a réussi à payer pour l'école de leurs deux enfants, quoi. Enfin, non, ça, c'est ta gueule, c'est magique, ça. C'est... Bah oui, c'est les joies des séries Netflix. C'est ça. Je crois qu'il y a... Non, mais en fait, c'est parce que Gossip Girl, il y a aussi des livres, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Et dans le livre, je crois que c'est expliqué en deux phrases, en gros, il a gagné que l'auto. Il se saigne. Non, il fait 14 boulots à la fois et qu'il se saigne et que finalement l'école aide un peu en soum-soum pour le garder. Ouais, bah ça c'est pas mis dans la série par exemple. Ça enlèverait quelques incohérences justement de la série, parce que ils ont pas le temps. Voilà. Non, mais c'est vraiment développé en deux lignes. Hein. C'est vraiment pas le truc le plus important. Et du coup, voilà, Dan Humphrey qui vit avec son père, qui est une ancienne rockstar, qui a vite été oubliée apparemment, avec sa sœur Jenny Humphrey, voilà, qui rentre à l'école aussi au lycée, qui essaie de suivre la tendance à fond. C'est qui est en train de moudre du persil ou du poivre là? Personne ne rien du tout, calme-toi. Ok, ok. Ouais, on a dit quelqu'un mettait du poivre. On a un pirate sur la ligne. On a un pirate sur la ligne. On arrête de manger du poivre, s'il vous plaît, d'accord. On laisse Laura parler de Gossip Girl. Merci. Donc, il y a Jenny Humphrey qui essaie de suivre la tendance. Et la tendance, c'est quoi au lycée? C'est Blair Waldorf. Blair Waldorf, ouais. fille pourrie gâtée. Je l'adore. Eleanor Waldorf, qui est une grande créatrice de mode. Alors, c'est un peu le personnage qu'on aime détester parfois, parce que c'est la meilleure amie de Serena Vanderwoodsen, mais un coup, elles sont amies, un coup, elles sont ennemies, un coup, elles sont amies. C'est un mon perso préféré. Avec Nate, alors que Nate, en fait, il préfère Serena. Enfin, c'est vraiment des... Ça s'entremêle de partout, mais au final, elle reste toujours meilleure amie. Même si Blair, c'est la plus tyrannique du lycée. Elle a des sbires, en fait, qui la suivent. C'est trois meufs totalement insipides, mais qui sont toujours là pour l'aider, même si Blair les traite vraiment comme du gros caca. Ça, c'est certain. Non, elle est cool. Avec ses trois sbires. Bien sûr, moi, franchement, c'est mon perso préféré. Bon, en tous les cas. Oui, mais tu regardes Gossip Girl, Telly ? Alors. Pour la petite histoire, j'ai été obligé de regarder parce que j'ai une copine à la maison qui elle est fan et moi je suis pas fan mais j'ai pas le choix en fait. Donc, elle te squatte la télé pour ça. Bah ouais, clairement. Je pouvais même plus geeker tranquille, j'étais obligé de me taper du Gossip Girl. Alors forcément, je connais hein. Avoue. Chuck Bass, Blair Waldorf. Avoue que c'est Paige Turner. Avoue que t'as envie de savoir la suite. Mais je connais la fin. Et non mais avoue tout. Quand tu l'as regardé, t'avais envie de voir l'épisode d'après. Ah non, j'avais juste envie de voir Blair faire des conneries. Bah non, ça c'est juste ça qui est kiffant. Et puis que sa copine arrête de regarder la série pour qu'il puisse reprendre son jeu vidéo. Évidemment, c'est surtout ça, clairement. Ouais. Ouais. Bah, en tout cas, moi j'apprends quelque chose quand même ce soir, c'est que vu que je suis en studio avec Teddy, en fait Teddy, il fait plein de blagues, genre comme moi, sauf que d'habitude on les entend pas. Alors que là je suis seul à les entendre, mais je kiffe. Hein. J'aime beaucoup. Vous vous rendez même pas compte de ma souffrance. Ils sont contents. Okay. Ils sont contents. Oui. Ils sont contents, les amoureux. Oui, bah, ils se retrouvent depuis longtemps. Ils ont été séparés par le confinement. L'amour, tout ça, tout ça. Quoi. Voilà. Tiens, du coup, les gars, je vais vous attribuer des personnages de garçons. Je suis Chuck Bass. Je prends Chuck. Mais laisse-moi dire. Non. Dire, okay. Non, je prends Chuck. Nate Archibald, c'est Théo. Théo, le beau gosse, mais un peu insignifiant. Ouais, voilà. Clairement, il sert un peu à rien. Le beau gosse insignifiant, non mais quoi. Il est même pas drôle. Oh là là là là là. Enfin, juste un peu, elle a pas dit totalement. Nate, c'est le bon gars. Parce que son père, il consomme de la drogue et puis il fait croire que c'est son fils qui consomme de la drogue et c'est pas. Et puis c'est un évadé fiscal. C'est vrai, papa, si tu m'écoutes. Arrête la drogue, c'est mal. Arrête la drogue, c'est mal. Ouais. Et puis, bien sûr, Daniel, on n'a qu'à dire que c'est Rufus Humphrey, voilà, qui se démène pour ses enfants, qui est une ancienne rockstar, mais qui n'est plus une rockstar, et qui, justement, essaye de reconquérir Lily Vanderwoodsen, qui l'a pécho dans sa jeunesse, pour, justement, être un homme... Les détails, parce que, franchement, ça va faire tout un épisode. Hein. Bah, t'es une rockstar. Pour l'épisode prochain. Et à un moment donné, t'en as marre d'être un homme au foyer, Rufus, et tu dis « Oh, Lily Vanderwoodsen, oh, je ne sais pas. Pécho. Je vais aller pécho une fille qui a l'âge de ma fille. Allez, zou. Oh, voilà, ça fait l'exotisme. Allez, zou. Ça s'appelle comment, l'âge de la fille? Elle a une vingtaine d'années. Non, oui, même pas. Ça, ouais. Non, ouais, même pas, parce 20. Qu'ils sont au lycée. J'allais dire comme la femme de Daniel. À ce moment-là, ils sont plus au lycée. À ce moment-là, c'est le début des études. Ah oui, c'est vrai. Ah, enfin, oui. Mais oh, Nate, bah oui, il couche avec Serena. Bien sûr. Au début. Nate, t'es insipide, mais tu couches avec la belle gosse, donc bon. Ouais, mais pas longtemps. Nate a couché aussi Laura, avec. Bah de rien. Et bien sûr, Teddy, tu es Chuck Bass. Ouais. Chuck Bass, un riche héritier immobilier qui croit détenir pourquoi tous les pouvoirs et tous les culs de Manhattan. Ouais. Voilà, ça c'est le résumé de. Parce que ça Chuck me correspond. C'est vraiment un connard dans l'âme et j'adore. Non, c'est parce que c'est lui, c'est le personnage que tu fais dans ta tête. Sûrement. Non. Si. Non, c'est pas vrai. Je sais pas, je l'aime bien ce type. Hein, ouais. Oui, attends, est-ce que toi c'est pas New York, c'est Amboise quoi. C'est... Ouais, ouais, je suis une Chuck Bass d'Amboise. 15 000 habitants quoi. Oh la rime de ouf. Rime riche. Teddy habite dans le Manhattan d'Amboise. Bah ouais, mais totalement. Teddy, c'est... Teddy, c'est le Chuck Bass Wish, tu vois, low cost. C'est ça, Lidl, version Lidl. Je te claque des baguettes comme ça. Hop. Le pire, c'est que Chuck, dans la série, il négocie Blair contre son hôtel. Je trop dis ça, bien. Niveau femme, c'est très bien. Et même que c'est Blair aussi arrive à rencontrer le prince de Monaco. Voilà. Tranquille. Et puis elle a failli se marier avec, mais elle se marie pas avec. Enfin bon, c'est. Oui, mais justement, j'allais venir à son personnage préféré à Amanda. Quel est ton personnage préféré et quel est ton personnage détesté? Alors, j'adore Nate. Oh, et j'aime bien sûr Serena et Blair, bien sûr. Ouais. Mais pourquoi tu l'aimes bien, Nate? Je sais pas. Parce qu'il est pas ce plat. Mais il est tellement mou. Au début, j'aimais pas Chuck et maintenant j'adore Chuck. C'est le gars. J'ai pas vraiment de personnage que j'aime pas. Peut-être à part le père de Chuck, mais. C'est le pire, c'est le plus détestable. Il fait croire qu'il est mort, il organise tout un enterrement, mais en fait il est pas mort quoi. Déjà. Revival. C'est si grave que ça. C'est ça. Et moi je suis content que tu m'aimes bien, Amanda, ça fait plaisir. Ah non, mais Bart Bass, c'est le pire de pire. Mais son fils Chuck, au début, il a agressé Serena. Ensuite, il agresse Jenny Humphrey. Enfin bon, voilà. Au début, il est vraiment pas sous son meilleur jour. Et puis après, quand il commence à tomber vraiment amoureux de Blair Waldorf, et mais quand est-ce qu'ils vont se mettre ensemble, bordel. Ouais. T'as vraiment l'impression d'attendre une éternité pour ça. Et je trouve que c'est ça qui fait la force de la série aussi, c'est que on a toujours envie de savoir la suite, comme tu disais tout à l'heure, Audrey. Et puis il y a un peu ce côté. Monde inconnu, monde un peu de riche, des énormes lofts de Manhattan, le côté un peu fashionista. Moi j'avais l'impression quand j'étais plus jeune qu'en mode le bandeau sur la tête c'est trop fashion, la petite jupe comme ça c'est trop fashion. Mais tu rigoles, mais ça revient à la mode. Et ouais, puisque la mode est un éternel recommencement. Par contre, j'ai re-regardé quelques épisodes il y a pas longtemps. Oh, niveau consentement et féminisme, on n'y est pas du tout. Bah là, par contre, c'est aux antipodes. Aïe, que je te non et que je te force et que il y a des fois où j'ai été un peu malaise, enfin un peu dans le malaise, tu vois, genre non, elle t'a dit non. Mais c'est ça. Mais c'est surtout il y a ce côté qui va pas aujourd'hui. Mais il y a aussi pas mal d'incohérences. Enfin, on voit, genre, ils sont riches, certes, mais ils ont même pas 16 ans et ils passent leur temps dans les bars à boire et pas de l'eau. En Amérique, c'est normal. Bah non, en Amérique, c'est l'internat. Ouais, mais quand t'es riche, c'est normal. Non, mais aux États-Unis, ils arrêtent pas de te checker ta carte d'identité, même quand t'es à 25 ans, s'il te plaît. Juste pour voir si t'as au-dessus de 21 ans. Déjà, l'âge légal pour boire, c'est 21 ans. Mmh. Et eux, à 16 ans, ils sont en mode tiens, serre-moi un whisky, putain. Non. Hein? C'est quoi? Non, je sais pas. Oui, non, mais non, il y a aucune réalité dans ce qui est. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est une réalité dorée. Et c'est vrai qu'on a un peu cette curiosité, mais est-ce que les riches, ils se comportent vraiment comme ça? Ou comment ça se passe? Bien sûr. Est-ce que tu peux te détenir un hôtel à 17 ans de ton père? En bois, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Le gars dirige une mafia, bonjour. Mon agent, ça s'appelle Val Touraine. Il loue même pas un appart. Alors, il loue même pas un appart à son nom. Donc, celui qui. Moi j'ai mon entreprise, ça s'appelle Val Touraine, tu vois. C'est un office. On l'appellera Gossip Teddy. Gossip Teddy. Ah oui, c'est lui, il est bien. XO, Gossip Teddy. Excellent. Ouais, avec la petite photo où t'es travesti sur Facebook. Là, ça irait trop bien. Quoi, bon, on donne les coulisses. On a le pitch. On a un truc à vendre à Canal Plus là, c'est bon. Ah ouais. Amanda, tu veux faire le générique ou. De Gossip Teddy. La vraie question qu'il faut lui poser à Amanda, c'est est-ce qu'elle veut vraiment voir une photo de moi travesti quoi. Enfin, non, franchement, mais non. Franchement. Ça, elle a pas besoin, je veux juste qu'elle fasse le générique. Ah c'est oui. Tout. Le générique là, genre en live, vas-y. Ouais, ok. Non, mais lui impose pas. Non, mais pas en live, donc. En post-prod. Pour composer à Canal Plus, pour un projet monté. Ah bah oui, évidemment. Oh là. Je pensais que tu voulais qu'elle fasse le. C'est vraiment un hate, toi. Hein. Ah non, mais c'est moi, vraiment je peux. T'es quoi? Oh là, je te jure. Je pensais que tu voulais. J'avais une question pour toi, justement, Amanda. C'est quoi tes moments préférés dans Gossip Girl? Oula, alors. Il y en a beaucoup, je sais. Est-ce que t'as un épisode préféré, par exemple? J'aime tout. Je pourrais pas choisir. Moi, j'aimais beaucoup les moments où ils étaient à Paris, en fait. Il y avait un peu ce côté romantique qui était mis en avant à fond. Non, moi, au moment où, le moment où Chuck, il est à la gare Saint-Lazare et qu'il se retrouve après quasiment plusieurs mois sans se voir. Enfin, c'est assez émouvant, je l'avoue. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Mais d'ailleurs, bonne nouvelle pour vous qui aimez Gossip Girl, va y avoir un reboot Gossip Girl qui devrait sortir sur HBO. J'espère que ça soit une bonne nouvelle, hein. Ah mais, histoire de comparer, ça va être à peu près la même histoire sur la chaîne HBO, ça va sortir courant 2021, mais par contre, j'ai ouï dire que c'est un tout autre casting, évidemment, c'est pas les mêmes acteurs, mais c'est un casting plus inclusif et LGBTQI friendly. Wow. Donc ça peut peut-être mais il y en a pas dans Gossip Girl à la base. Si. Dans le petit frère de Serena van der Woodsen. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Eric. Oui. D'ailleurs, Blair Waldorf, elle a juste comme ça. Et au fait, votre fils, il est gay. Genre. Oh, balance. Ouais. Allez, bim. Aucun respect, quoi. Drop le coming out. Allez, salut. Non, mais c'est ça. Franchement, elle annonce ça en plein brunch. En plus, oh, mais qu'est-ce que j'aurais aimé aller dans leur brunch, là. C'est tellement Blair, en fait. C'est tellement son caractère de faire ça. Enfin, j'adore faire ce genre de conneries. Enfin, Blair Waldorf, s'il y a quelqu'un sur son passage, mais elle le dévore. Elle te l'écrase en fait. Non, mais c'est ça. Et a fait une marche arrière après pour recommencer. Mais t'es dit, c'est quoi la pire crasse de Blair Waldorf que t'as préférée? Genre vraiment le truc, t'as. Oh putain, génial. Putain, mais attends, c'est la pire crasse, mais il y en a tellement. Enfin. Non, je dirais. Une crasse que t'as aimée, quoi. Je pourrais pas citer une crasse parmi tant d'autres. Par contre, je peux te dire un truc sur Gossip Girl. J'apprécie pas forcément Gossip Girl en général. Par contre, il y a un truc que j'ai toujours adoré. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est la relation entre Chuck et Blair. Ouais. Ça, j'ai adoré comment ils se tournaient autour. Et même quand ils sortaient pas forcément ensemble, mais quand ils se tournaient autour et qu'ils faisaient des conneries. Je sais pas, ils se mettaient des défis ou genre de trucs. Mais j'ai kiffé ces moments-là. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ah bah oui, mais c'est quelque chose que beaucoup de femmes, de fans ont ressenti. Enfin, je veux dire, même moi, c'est genre. Mais putain, quand est-ce qu'ils vont se mettre ensemble? Enfin, bah non, faut que ça dure jusqu'à la fin de la saison. Juste le jeu, en fait, entre eux, le ouais. jeu. Ah, j'adore. Ça doit être la seule chose que j'ai kiffé dans Gossip Girl. Moi, ce qui me fait kiffer, enfin, j'ai alterné entre regarder la VO et la VF, mais il y a des trucs dans la VF, genre des mimiques de Chuck Bass, genre qui me font rire. Je m'appelle Chuck Bass. Avec son petit mouvement de tête, là, son petit hochement. Je m'appelle Chuck Bass. Ok, oui, on a compris que tu t'appelles. Je m'appelle Chuck. Mais arrête, je m'appelle Chuck Bass. Oui, on a compris que tu t'appelles Chuck Bass. Tais-toi maintenant. Enfin, j'imagine vraiment une discussion comme ça. Même, je suis sur Instagram l'acteur qui jouait Chuck Bass, qui s'appelle, je ne sais plus son nom. Mais le gars, on a l'impression que c'est toujours Chuck Bass. Il est dans des. Il poste ses photos de riche tout le temps. Genre, il était en Maldives il n'y a pas longtemps. Mais il a toujours la même tête, c'est fou. Toujours la même tête de Chuck Bass, en un peu moins méchant, je pense. D'ailleurs, à ce propos, l'actrice qui joue Serena Wonder Woodson, on l'a aussi vue dans le film Green Lantern. Bon, un AV, mais voilà. On c'est l'a vrai. Vu aussi et dans d'autres films. Elle est mariée à Ryan Reynolds. Ouais, c'est type pas beau, ça. Un couple parfait. Mais franchement, enfin, Serena Wonder Woodson, tellement jalouse d'elle, quoi. C'est vraiment la femme... parfaite, enfin même Blake Lively, enfin elle est géniale cette femme, enfin en dehors du personnage de Serena, elle est vraiment très intéressante comme femme, enfin très à fond dans les œuvres caritatives aussi et tout, donc même Blair Waldorf, à la base l'actrice qui s'appelle Leighton Mister, elle a rien à voir avec son personnage, même sa mère, en fait elle était en prison et elle est née en prison. Leighton Mister, elle est née en prison, rien à voir avec cette jeunesse dorée de Manhattan, et elle est au contraire très timide et pas du tout en train de faire des traces comme son personnage le fait, donc c'est vraiment un grand talent d'actrice qu'elle a su faire là. Voilà, c'est mon petit partage Gossip Girl. Ah bah j'en ai appris, hein, parce que j'avoue que je partais de zéro, donc là j'en ai appris pas mal, hein, sur Gossip Girl. Ouais. Mais là je sens qu'il y a un truc qui va arriver, ça doit s'appeler... Un quiz. Un quiz, effectivement, oui, tout à fait. On va jouer et vous allez pouvoir jouer. Donc préparez stylo et papier parce que on va se faire ça dans un instant. Mais avant, on a de la musique et un bootleg avec les Bootleggers United. Boom boom. En fait, c'est toutes les chansons où il y a boom dedans, où il y a boom boom. Et ben, ça a été mixé ensemble et ça donne ça sur Indestar. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et dernière ligne droite, c'est une tradition dans cette émission à la maison sur Indestar, le quiz, où on a cette question avec trois possibilités de réponse à chaque fois. Un vainqueur, un perdant ou une perdante, ou un vainqueur ou une vainqueur. Et Amanda, bien sûr, tu joues avec nous ce soir parce que le quiz... concerne évidemment tout ce que tu aimes. Donc cette question sur la vie pop culture d'Amanda. Est-ce que vous êtes tous prêts à jouer avec nous? Oui. C'est bon, je vais compter les points. C'est parti. Non. Et on va commencer par une question en rapport avec notre situation. C'est-à-dire qu'on est au téléphone avec la série, tu en as parlé tout à l'heure Amanda, Les Demoiselles au téléphone, qui se passe donc en 1928 et qui parle de l'émancipation des femmes. Elles sont standardistes et on les suit dans cette idée-là. Mais à votre avis, qui a kidnappé la fille de Lydia? Est-ce que c'est... facile. C'est Carmen. Attends. Alors... ça vient du fond du cœur. Surtout ne donne pas la réponse parce que tu la donnerais aux autres. Donc, est-ce que c'est Sarah? Est-ce que c'est Donna? Ou est-ce que c'est Marga? Aha. Sarah, Donna, Carmen. Donna ou Marga? Alors, attends, tu te poses la question. Attends, que... alors, elle est taquine, Amanda. Amanda, elle connaît la série par cœur, mon gars. Tu vas pas la tester. En fait, le but, c'est pas d'être le plus rapide à répondre. Faut quand chacun en choisisse une réponse et puis après, Théo dit la réponse. C'est vrai tout que monde. C'est vrai que je. Oui, mais il n'explique pas les règles, donc c'est de sa faute. Mais parce que voilà. Sinon, mais j'ai pas eu le temps d'expliquer les règles. Hein, 10 points pour Théo, allez. J'ai pas le temps d'expliquer la règle, c'est ça qui est génial. Bon, alors, je vais poser la question à Amanda. Moi j'aurais dit Daniel. Donc, bah, c'est marrant, j'aurais dit Teddy, moi. Ouais, mais moi je connais la réponse. Qui a kidnappé la fille de Lydia? Donc, Sarah, Donna ou Marga? Amanda, tu dis. C'est Donna Carmen, c'est la mère de. Il faut que je retrouve son prénom. C'est pas grave. Et à justifier en plus. Je sais plus, j'ai un trou. Je sais plus du tout. Bref, c'est Donna Carmen. Vous voyez, Amanda a un trou. Donc si ça se trouve, elle a faux. Donc vous pouvez encore. Oui, bien sûr. Ça venait tellement du fond du cœur, mon gars. Tu peux pas tester. Ah ouais, donc toi, Audrey, tu dirais Donna aussi? Ah, tout pareil. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, Laura? Donna Carmen. Ok, Teddy. Moi, je dirais que heureusement que Jolan n'est pas là. Parce qu'il aurait été capable de dire une autre réponse que Donna. Il aurait dit Sarah, évidemment. Ouais. Mais oui. Mais du coup, Donna, vraiment. Ouais. Mais peut-être que Jolan aurait eu raison. Hein. Et Daniel, tu dis quoi? Comme je veux pas passer pour un andouille, je vais dire la même chose que tout le monde. Je vais dire Donna. Ouais. Et bah, figurez-vous que c'était... bah, Donna. La bonne réponse. Ouais. Qu'est-ce qu'on est fort. Bravo, un point pour tout le monde. Alors, Amanda, si tu aimes l'espagnol, voici une question d'espagnol. Amanda, tu réponds pas tout de suite, hein. Non. Alors, Daniel ne voudrait surtout pas la bonne réponse. Oui, voilà, c'est ça. J'ai peur de la prononciation, là. Peut-être, parce que j'ai jamais fait de l'espagnol. Donc, mais t'as fait italien. Non, j'ai fait italien, effectivement. Moi, je sais pas que j'ai beaucoup plus de souvenirs en italien, mais voilà, en espagnol, mais j'ai clairement pas la prononciation. Quel est le mot qui correspond à « premier » dans l'expression « en premier lieu? » Est-ce que oh là c'est... là, mais ça sort d'où? Ah bah, ça sort... Et les années 50, bonjour hein. Bah pourquoi? Non. Attends, ça sort d'internet. C'est un peu idiot comme question, là. Et pourquoi? Oui, c'est ouf. Et pourquoi? Mais c'est pas du tout idiot. Qu'est-ce qui correspond à premier dans l'expression en premier lieu? Bah attends, j'ai pas donné les propositions. Bah oui. Ouais, mais en espagnol, dans les propositions, en espagnol, il a... Oui, voilà. Évidemment. Donc, est-ce que c'est primo, primero ou primaire? Voilà. Ah, alors on va voir si t'es aussi malin, Daniel. Qu'est-ce que tu dirais? Primo. Bah écoute, j'ai eu un copain qui s'appelait Primo. Alors en souvenir de lui, je vais dire Primo. Ok. Teddy, tu dirais quoi? Primero. Primero, d'accord. Amanda. En primer. Ça serait primaire pour toi. Non mais j'apprends l'espagnol en même temps, c'est cool. Laura. Primero. Primero. Et toi, Audrey? En premier lieu, en primer lugar. Donc primaire aussi. C'est la bonne réponse. C'était primaire, comme, ah oui, tu... comme après la maternelle. Mais... Oh là là. Oh. Comme quoi ? Ah non, il y a pas le copain. J'ai pas fait espagnol. Non. Et primaire, ça se place devant un substantif masculin. J'ai aucune idée de ce que c'est. Wow. Voilà. Félicitations. Forcément, si tu donnes pas tout, on peut pas te guider. Hein. Évidemment. Revenons sur. Primero, oui. Primero, c'est les Français qui essayent de parler espagnol. Ah, ça, d'accord. Non. Et primero. Ah, bah, c'est de la primero. Bah, du coup, j'avais raison alors. Non. Et... bah, si, je suis français. Et Primera, c'est tu une Nissan. Raison, c'était moi. Voilà. Parlons plutôt Shawn Mendes maintenant. Revenons sur Shawn Mendes. Avec qui a-t-il eu des rumeurs de couple ? Alors, attention, parce que. Facile ! Ah, non, non, non, non. Oh là là. Attention. Attention, il peut y avoir. Il peut y avoir plusieurs. Je précise. Y a-t-il eu des rumeurs de couple il y a 3 ans alors que c'était faux ? Attention, parce qu'elle est sortie avec à peu près tout le monde. Mais les gars, tu sors de d'où là ? 2017, c'est même 4 ans maintenant. Est-ce que c'est avec Hailey Baldwin ? Est-ce que c'est avec Camila Cabello ? Ou est-ce que c'est avec Alicia Bowie ? À votre avis, Hailey Baldwin, Camila Cabello ou Alicia Bowie ? Il y a 3 ans, rumeurs de couple qui se sont avérées fausses. C'est pour toi, Daniel. C'est pour toi, Daniel. Ah le bâtard! Ah mais attends, Daniel, il a coupé son micro. Ah mince. Il en a marre de nous. Non, justement, il a coupé son micro pour qu'il puisse pas répondre tout de suite, comme ça il peut répondre à la fin. Pardon. Il est malin. Il est malin. Bah alors Teddy. Bah alors Teddy, du coup. Camilla. Vous m'entendez? Oui, si, on t'entend. Ah. Bah vas-y, réponds. Une seconde. Parce que je parlais, vous m'entendiez pas. Non, t'entendais pas. J'étais en train de micro. J'avais une copine qui s'appelait Camilla qui sortait avec Sean. Alors je sais pas si c'est les mêmes. Quoi? Ils m'ont donné leur prénom, donc je vais dire Camilla. D'accord. Le mec est intime en fait. Tous les dimanches, il va prendre un brunch avec eux. En pause. Non mais parce que c'est quand même hyper rare en France d'avoir de connaître deux personnes, une Camilla et un Sean quand même. Mais bon, c'est bien, Daniel. Ah oui, justement. Hein. Teddy. Eh ben, figure-toi que j'ai suivi cette actu, donc c'est Camilla. Pour toi, ça serait Camilla. Bien sûr. Audrey. Tu mens tellement. c'est pas Camilla Parker Bowles, hein, mais allez, on va prendre Cabello. Ok. Laura. Camilla Cabello. D'accord. Et Amanda. En vrai, je sais pas parce que vous avez dit, je crois, que c'était faux. Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, ils sont ensemble, Camila Cabello et Shawn Mendes. Ah ouais. Et Hailey Baldwin, ils ont été ensemble, mais genre une petite romance. Donc, en fait, je sais pas entre les deux. Parce que t'as vu comment elle est calée? Alors, non, non, mais alors, enfin, moi, d'après ce que j'ai lu, c'est que c'était faux, mais t'as sûrement raison, parce que t'as l'air de bien connaître. Donc si, Hailey Baldwin, ils ont été ensemble pendant un an. À peu près. D'accord. Tu aurais dû prendre tes impôts auprès d'Amanda. Et ben, c'était la bonne réponse. Vous m'avez dit que je connais Sean et Camilla. Je vous ai dit, je les ai vus ensemble il n'y a encore pas longtemps. Oui. Ils ont pris un brunch il n'y a pas longtemps. Mais un brunch, pardon. Alors, effectivement, Shawn Mendes et Camilla Cabello, ils sont ensemble actuellement. Ils sont mariés même. Ils sont mariés ? Ouais, je crois. Non, ils sont pas mariés. Ah non, ils sont pas mariés. Mais non. Allez. Mais ça va pas, ils ont 20 ans. Tu veux pas, ils vont pas se marier. Bah, on a le droit de se marier à 20 ans. Et alors ? C'est quoi ce racisme ? C'est quoi ce racisme ? Teddy l'a divorcé deux fois. Mais c'était avec Hailey Baldwin, donc qui est maintenant la. Ouais. Ah non, c'est ça, j'ai confondu. Hailey, c'est. Qui est la femme de Justin Bieber maintenant. Eux, ils sont mariés. Ouais. Ouais. Et Justin Bieber, c'était quoi ? C'est Selena Gomez avant qu'il a été pendant. Enfin, genre, c'était les meilleurs amis, ils étaient en couple, machin. Mmh. Ouais, c'est ça. Mmh, ouais, c'était la friend zone un peu touchy là. Ouais, Sex friend. C'était sex friend quoi. Ouais. Mmh. Nous allons maintenant parler de Archie, de Betty, de Josh, comment il s'appelle ? Jughead, Veronica et Cheryl. Vous avez peut-être reconnu la série Riverdale. Riverdale. T'en prends pour ton grade. Amanda, tu pourrais donner des cours à Théo, s'il te plaît. Ah, la prononciation. Mais j'ai jamais vu cette série, j'avoue. T'as rien loupé. Non, mais non. Là, ça n'a rien à voir avec le fait de l'avoir vu. Oui, peut-être. Mais Riverdale. Ouais. Quel personnage n'est pas dans la première saison ? Est-ce que c'est Hiram ? Moi ? Est-ce que c'est Reggie ? Est-ce que c'est Ethel ? Donc, Hiram, Reggie et Ethel qui n'est pas dans la première saison. Teddy. C'est Estelle. Il n'y a pas Estelle. Merde. Il y a Ethel. Ethel, pardon. On fait des bisous à ta sœur qui n'était pas dans la première saison non plus. Non, non plus, effectivement. Audrey. Je n'ai pas vu Riverdale. Mais allez, j'ai envie de dire comme, comme Teddy. Et telle. Bah t'as bien raison parce que je l'ai vu. Ok, Laura. Ah ouais bah j'ai pas eu le choix encore une fois. Je dirais Ethel. Ok. Amanda. Ouais, normalement c'est Ethel. Ok. J'y crois pas. C'est vraiment ça? Daniel. Alors moi je sais que j'y étais pas. Donc ça se trouve c'est Hiram Lodge. Hein. Il apparaît. Ils apparaissent tous en fait, je pense, les personnages qui sont principaux. D'accord, ouais. Allez, comme on va rester en vente, je vais dire Ethel aussi. Hein. Et bah non, c'est pas Ethel. Oh yes, c'est Hiram. Oui, c'est Hiram Lodge qui fait sa première apparition dans l'épisode 1 de la saison 2 et pas avant. Oh, c'est si proche. Ouais, je le savais tellement pas. Oui, alors ça fait partie des tics de Teddy. Il aime bien affirmer quelque chose qui ne sait absolument pas. À 120%. Mais on le voit, on le décèle parce que quand il est sûr de lui, c'est qu'il sait pas en fait. Ouais. Voilà. Une question pour les jeunes. Ah ouais, c'est vrai. Comment on pourrait traduire être charo? Est-ce que c'est être déterminé? Est-ce que c'est être déçu? Ou est-ce que c'est être radin? Je suis charo aujourd'hui. Mais c'est aucune des trois. Quoi? Oh là là. Et là, on est dans les années 50. Hein. Vous il va me tuer. Ma gueule. Mais tu sais ce que c'est un charo? Un charognard. Un chien de talus. Tu sais ce que c'est? Oui. Mais quel rapport? Bah voilà. Un charognard. Oui. Un charognard, un mec qui a la dalle. Ah bah oui, non mais si un si. Un charo c'est même pire qu'un mec qui a la dalle. C'est un mec Ah ouais, alors moi j'avais du coup j'avais une. Alors si on pourrait faire la traduction, mais c'est très approximatif du coup parce que parmi mes trois propositions, j'avais être déterminé, être déçu, être radin. Je me suis dit la bonne réponse qui mettait c'est être déterminé, mais du coup c'est être déterminé dans le mauvais sens quoi. Ouais, ah bah ouais. C'est ouais, ouais, clairement. C'est pas déterminé, c'est un charo. Ah bah si, c'est bah il est déterminé hein. Bah, il est déterminé. Qui a beaucoup de conquêtes. Ouais, ouais, non, ouais. Mais on est d'accord. Donc le mec est déterminé quoi. Ouais, non, mais c'est non. Mais alors, j'ai pas validé là. Bah non, parce que j'allais faire un parallèle avec ta carrière, Amanda, et du coup ça va pas. ça va pas du tout. Ah bah non. Ça se voit que t'es né dans les années 50, hein. Non, mais. Allez hop. Mais je vais te dire. Question suivante. Je vais te dire, je ne connaissais pas. Donc voilà, dans le quiz, il mettait être déterminé, c'est un charo. Bon, ok, d'accord. Donc, faux. Quel est le vrai... C'est des charros qu'on fait ce quiz, c'est pour ça. On ne comptera pas ce point. Quel est le vrai nom de Vianney? Est-ce qu'il s'appelle Vianney chaise, Vianney fauteuil ou Vianney bureau? A votre avis, est-ce que Vianney s'appelle Vianney chaise, Vianney fauteuil? Tu crois qu'il s'appelle comme les bureaux? Eh ben, je te pose la question, tiens, Audrey. Ah ouais, il s'appelle comme les bureaux. Oh, j'adore. Ça serait Vianney bureau. Eh ben, on va demander à... Ah ouais, moi, je veux comme les bureaux. On va demander à Laura, alors. Oh, aucune idée. Mais c'est facile, Laura. Il aurait pu s'appeler Gilles MDR. Je connais la réponse. Vianney. Ouais, Vianney. Il s'appelle Vianney. Attends, c'était quoi déjà les propositions? Vianney alors, bureau, Vianney chaise et ou fauteuil. Gilet. Fauteuil. Oh, Gilet, table. Vas-y. Bureau. Ordi. Bah, fauteuil, pardon. Allez. Ok, fauteuil. Amanda. Oui. Oui, ça Moi je dirais en fait je suis sûre c'est Vianney bureau. D'accord. Oh, il s'appelle comme les bureaux, j'adore. On va quand même demander à Teddy. Bah évidemment que c'est bureau. Et à Daniel. Alors, si je suis pas trop idiot, si mes souvenirs sont bons, ça doit être bureau. Ah, tu connais la vie de Vianney. Oui, non, mais il était avec Chaud et puis Camilla l'autre jour. Bah oui, au brunch. Au brunch. Bah oui, bien sûr. Et effectivement, c'est la bonne réponse, c'est Vianney Bureau. Oh, ah. C'est génial. Ah, j'ai bien fait d'attendre les autres. C'est formidable. En fait, je l'ai vu il y a pas longtemps. Je pensais que c'était chaise, mais du coup, j'ai... Bah non, mais l'avantage, c'est que c'est déjà meublé, quoi. Ouais. Enfin, dernière question, et qui est une question d'anglais. Comment dit-on le nom de ton label, Amanda, Vers les étoiles, en anglais? Est-ce que c'est... Attends. Est-ce que c'est... Calme-toi. Est-ce que c'est To The Stars? Est-ce que c'est Ward The Stars? Ou est-ce que c'est Toward The Stars? Et je vais poser la question à Teddy. Putain, le bâtard. Bah oui, évidemment. Ah, le bâtard. Va falloir que tu me les répètes, là. Alors, comment dit-on le nom du label Vers les étoiles en anglais? Est-ce que c'est To The Stars, Ward The Stars ou Toward The Stars? C'est quoi la première? C'était To The Stars, la première. Ouais, c'est ça. D'accord, To The Stars pour Teddy. Daniel? Ça doit être To The Stars. Ok. On va demander à... Ah non, pas Laura. Ah, j'ai des anglophones et puis j'ai Amanda. Bon, bah Amanda. To The Stars. Yes. Attends, parce que... De toute façon, Teddy le savait. Donc... Oui, Laura. J'étais sûr de moi. C'est quoi déjà le nom du label en français? Vers les étoiles. Elle va te contredire. Parce que du coup, il y a deux solutions possibles en fait. Ouais, c'est en même temps To The Stars et Towards the Stars. The stars. Exact. Towards, ça veut dire vers aussi. Ok, ouais. On n'a pas posé la question à Audrey. Et je suis d'accord avec Laura. En fait, ça dépend. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec Laura. Connaissant Théo, il a fait Google Translate. Et Google Translate, il prend toujours la solution la plus chelou. Donc, je vais dire Towards the Stars. Oui. Et ça va être comme ça. Ouais, alors, voilà. Il y avait les deux, effectivement. Mais, Towards the Stars. Aussi, hein. Oui, oui. Il y avait Towards the Stars, mais il y avait effectivement aussi tout simplement To the Stars. Par contre, Towards the Stars, non. Alors là, c'est. Star Wars non plus, d'ailleurs. Star Wars non plus, effectivement. J'ai pas osé la faire, tu vois, pour une fois, et puis tu l'as fait, t'as pas plu. Bon, je ne m'abstiendrai plus la prochaine fois. De combien sont les scores, Teddy? Qui gagne, qui perd? Bah, c'est intéressant. Figure-toi, Daniel, je t'annonce. Tu n'es pas le dernier. Ah, tu n'es pas le dernier, Daniel. Non. Oui. Tu n'es pas le Jolan de la soirée. Oui, c'est Laura. Laura, tu es le Jolan de la soirée. Ouais. Franchement, Jolan, si tu m'écoutes, ce titre, il est pour toi. Il t'est dédié. Toi qui perds souvent. Non, tout le temps, en fait. Toi qui perds souvent. Non, tout le temps. Alors, les garçons, faut faire quoi pour avoir un Jolan d'or? Ah bah, faut perdre à 10 émissions d'affilée. Oui, au moins. Ouais. Alors, et Laura, combien? Laura a 2 points. Sur 6, du coup. Oui, ouais. Sur 6. Wow. Okay. Ça fait mal. Suivi de Daniel et moi, égalité avec 3 points. D'accord. Après, c'est la moyenne, vous passez à la classe supérieure. Ouais. Laura, je suis désolé, tu redoubles. Oh, Audrey, ça va, moi je vais aller me coucher. Hein, Audrey, dans les bons élèves, du coup. Ouais. Elle est deuxième avec 4 points. Pas mal, ouais. Ouais. Mais bon. Ça reste sans surprise que Amanda a gagné en tête avec 5 points. Et on applaudit. Ça s'applaudit. Bravo. 5 voilà. points sur 6, quasiment à 100 fautes. Eh, tu termines. Non, mais tu termines Amanda, ça, hein. Amanda, elle a plus 10 points parce qu'elle était tellement au taquet. Bah, c'est vrai. Laisse tomber, genre, t'aurais pas pu la caler. Il y avait les infos supplémentaires qui allaient bien, ouais. Ouais. Complètement. Non, mais top. Bravo, Amanda. Encore merci, Amanda. Bah, merci. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. On rappelle, Amanda, donc ton premier album est sorti, il est dispo sur toutes les plateformes, hein, que vous alliez sur Spotify, Deezer, Apple Music, non pas sur YouTube. Si, sur l'abonnement YouTube, iTunes aussi, évidemment. Ouais. Et il s'appelle Entre nous et vous pouvez retrouver évidemment toutes les infos et notamment sur ce qui va se passer ensuite sur ton site internet, donc amandabourneuf.fr. Il y a ton Facebook Amanda Bourneuf, il y a ta chaîne YouTube Amanda Bourneuf, il y a ton Instagram Amanda Bourneuf et il y a ton TikTok qui est Amanda Bourneuf aussi. C'est ça? Elle est en train de rire, je crois. Dis, le TikTok c'est aussi Amanda Bourneuf. C'est Amanda Bourneuf officiel. Ah, officiel. Ça change un peu. Non, mais c'est bien. C'est bien parce qu'il y a des copies après. J'ai pas créé de. J'ai pas créé de copie d'Amanda Bourneuf. Attention, je t'ai dit, je te surveille. Je vais jeter à l'œil. Twitter et tout ça parce que alors là, ça en fait encore des Amanda Bourneuf. Hein, Bah oui. De la manière, si je chante et que j'utilise le label Amanda Bourneuf, non, on verra. Vous allez pas voir la différence. Si. Mais non, mais non. On risque. Oui, bien sûr. Vu la longueur des cheveux, tout ça. Bien sûr. Bon, allez, on va se dire bonne soirée quand même. Exactement, un grand merci Amanda d'être venue dans cette émission avec nous sur Indestar. On te fait des gros bisous, bon courage et surtout un grand quoi? Courage? Non, c'était pas le mot courage. Un grand bisou. Un grand bisou, d'accord, mais à distance parce que Covid, d'accord. Mais pour la suite, tout le bonheur une du monde. Une grande continuité remplie de bonheur et d'avancement dans ton cheminement. Calme-toi, Teddy. Dans ton cheminement jusqu'à Paris-Bercy. Pourquoi j'ai lancé ça? Mais voilà. Oui, on espère te voir à Paris-Bercy un de ces jours avec grand plaisir. Et puis d'ici là, plein de projets qui vont arriver. Avec Thibaut et Borat comme en choriste. Pourquoi pas? En choriste, oui, évidemment. Très très bonne soirée à vous tous. Merci d'avoir été là. Retrouvez cette émission en podcast quand vous voulez. Salut à tous. On se quitte avec Mia Rose. Voici Take My Hand sur Indestar. Bonsoir tout le monde. Ciao ciao. Salut. Et à lundi. Bon week-end. Ciao. Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet.